Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bonjour chers amis, bienvenue sur Démocratie Participative, épisode numéro 22 de notre première saison. Comme vous le savez, nous sommes en partenariat avec The Right Stuff, la plateforme radiophonique de l'alt-right américaine, et aussi avec les chaussures. Derek, c'est pour toi? Fais-nous une petite introduction là, puisque tu es un... Bah écoute, oui, la marque New Balance, hein, qui est la marque officielle de sportswear des Blancs. Voilà, il faut le dire. Bon, bah voilà, si vous avez des chaussures à acheter, chers amis, des chaussures de sport, achetez donc les chaussures des racistes blancs New Balance. Voilà, le message est passé. Alors, je m'empresse de vous appeler à nous contacter, si vous le désirez, sur notre boîte email démocratie participative d'un seul mot, et il n'y a pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas, c'est juste en dessous de l'écran, s'abonner, comme ça vous pouvez recevoir les alertes de nos nouvelles émissions, et nous suivre aussi sur la page Facebook, parce que de la même façon vous recevez les nouvelles émissions, et vous pouvez, le cas échéant, nous envoyer un message. Alors, je m'en vais immédiatement présenter les membres aujourd'hui, enfin, qui participent aujourd'hui. Derek, t'as pris la parole. Comment vas-tu, Derek? Ça va, la pêche d'attaque, là? Non, je suis de mauvaise humeur. Je suis choqué par l'élection de Donald Trump. Je suis... j'ai des stress post-traumatiques. Je me cache. Je me mets la tête sous un oreiller. La tête couverte de cendres, stupéfié devant la défaite de la démocratie. Je comprends, c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup. On a Frédéric dans l'évier. Frédéric, toi tu lèves de la fonte, t'es en Hongrie, tu soutiens à fond les nègres et les bougnoules, et du coup pour toi aussi c'est le coup de bambou là, t'es pris de court là. Alors bonsoir, c'est Frédéric dans l'évier. Alors oui, comme d'habitude, hein, des calories, de la fonte. Et c'est vrai que bon, je suis un peu déçu parce que j'ai un peu peur qu'on stigmatise des populations, n'est-ce pas, qui font ce qu'elles peuvent pour survivre, hein, qui ont leur stratégie calorique, et je trouve ça quand même dommage, hein, mais bon, on fait ce qu'on peut. Ouais, c'est un petit coup dur, ça, je te l'accorde. Poporovitch, comment vas-tu, Poporovitch? Ah, shalom alaikum à tous, du moins ça va, puis une spéciale dédicace à Léon Depluie, Lauriane Barjot, qui n'ont pas pu venir. Ça fait la deuxième fois qu'ils peuvent pas venir. Astérix, comment vas-tu, Asté? Eh ben moi ça va bien, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien. Ah moi j'ai la pêche, moi ça se passe super bien, je veux dire... Je me suis pas apporté aussi bien depuis... une année au hasard de 1933. Comme ça, au pif. Captain America, comment vas-tu, Captain? Eh bien, ça va bien, Gandalf. Salut à tous. Écoutez, moi, je suis à fond pour l'assimilation des nègres et des boucaques. Faites-en venir encore davantage, s'il vous plaît. J'en peux plus. Faites-en venir davantage. Ah bah, il... Si tu en veux, tu en auras. Tu en auras. Fulbert, comment vas-tu, mon cher Fulbert, le plus nazi des Belges, déterminé? Comment ça va? Bah, tout va très bien, merci. Et comme d'habitude, j'insiste, pas nazi. Nazi, c'est un mot créé par ces enfoirés de bolcheviques. Dites plutôt national-socialiste, ça le mérite. D'accord, national-socialiste belge. Hein, c'est pas la peine de mentir parce que, je veux dire, ça serait pas crédible. National-socialiste belge. Bon, écoute. Nous sommes dans une émission qui est une émission de liberté où chacun arrive avec ce qu'il veut. Il y a des gens de tous les horizons politiques et des gens très tolérants. Et d'ailleurs, j'ose le dire, Nous irions même jusqu'à accepter sur l'émission un nègre, rien que pour discuter avec lui et prouver que, effectivement, sa race est vraiment à la remorque de l'évolution de l'humanité. Mais bon, nous n'y sommes pas encore. Ce sera pour une prochaine fois. Alors, les gars, rubrique numéro 1, sans transition, j'attaque, autisme radical. Sujet numéro 1 de cette première rubrique. La styliste de Michelle Obama ne veut pas travailler avec Melania Trump. Je cite un article de la presse People, journal de Montréal. Ça a été repris par d'autres. Le site Daily Kos rapporte que la styliste française, je précise, française, Sophie Tellet, a publié un communiqué sur son compte Instagram pour expliquer sa décision. Sa marque, précise-t-elle, est contre, je cite, « toute forme de discrimination et de préjugés ». Je cite encore « Nos défilés de mode, campagnes de publicité et design de vêtements de stars ont toujours été une célébration de la diversité et le reflet de ce qu'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui », a-t-elle précisé dans sa lettre. Donc là, je suis toujours en train de lire l'article. Elle encourage même les autres stylistes à boycotter tout engagement auprès de Melania Trump. Alors, je sais que j'ai quelqu'un qui veut en parler, et c'est Derek. Derek, qu'est-ce que tu vas dire là-dessus ? Oui, cette espèce de connasse, quel est son nom déjà ? Attends. Alors, attends, je retrouve le nom, elle s'appelle Sophie Tellet. Sophie Tellet. Donc, elle fait son post Instagram, c'était... En fait, elle pond un pavé, quoi. C'est une espèce de... Ouais, c'est comme toutes les gauchias, elle pond des pavés sur les réseaux sociaux pour dire voilà, qu'elle n'est pas contente. Et donc, elle a habillé le singe, hein, l'espèce de guenon immonde. Michelle Obama. Michelle. Ça fait bizarre hein, d'appeler Michelle. Michelle Obama. Voilà, habillée par une styliste française. Et qui refuse d'habiller la nouvelle première dame, Melania Trump. Mais au motif du racisme, quoi. Alors, présupposé, d'ailleurs. Moi, ce qui me choque dans cette déclaration, c'est que personne ne lui a demandé d'habiller Melania Trump. Melania Trump est assez bien habillée comme ça, sans avoir besoin d'une espèce de styliste pour vétérinaire. Alors, c'est peut-être tout simplement une espèce de sortie de piste, où la nénette se dit, bon, de toute façon, ils vont pas me reprendre parce que, Melania Trump est un top modèle à l'origine, hein, oui. Slovène. Donc, de toute façon, c'est une femme qui a ses goûts, ses tendances, qui a des gens qui l'habillent depuis très longtemps. Donc, c'est même une évidence qu'elle allait pas reprendre la française en question. Donc, de toute façon, elle savait qu'elle allait sortir. Non, mais c'est pas et ça. C'est qu'il y a surtout le fait que ça fait 8 ans qu'elle doit faire des robes pour Michelle Obama et que c'est à peine maintenant qu'on apprend l'existence de cette connasse. Personne oui, non, mais simplement, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a toujours une instrumentalisation de l'antiracisme comme dans le champ du marketing ambiant, tu vois. Donc la nénette sait qu'elle va être virée de la Maison Blanche parce que, comme j'ai dit, Melania Trump a d'autres personnes pour l'habiller. Donc elle se dit, je vais sortir, mais je vais envoyer le bon message au bon moment parce que ça va faire du bien à mon nom et à mon CV. Et la preuve, c'est qu'on en parle dans la grande presse. Et donc, il y a plein de gens qui vont dire, enfin des gens qui sont susceptibles d'être ses clients, qui vont dire, oh, c'est extraordinaire ce que tu as fait, etc., et qui vont, voilà, comme ça, éventuellement l'embaucher. Enfin, il ne faut pas sous-estimer le truc. Hein. Non, mais non seulement, ça va y faire peut-être une certaine pub, aussi, en tout cas en France, c'est certain. Hein. Mais, je ne sais pas vous, mais qui avait entendu parler de cette Sophie Tellet avant cette semaine ? Personne. Absolument personne. De toute façon, elle ne peut pas habiller Melania Trump, puisque Melania Trump est une femme. Et que la femme d'Obama n'est pas une femme, mais un mec déguisé en singe. Oui. Ça va être compliqué. Enfin, ou le contraire. Les deux sont possibles. Ça discute. Les deux sont possibles. C'est une théorie scientifique. Ça reste à démontrer. On ne sait pas bien, mais les deux sont possibles. En revanche, Melania Trump est une femme. Ça, c'est indiscutable. Quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus sur l'espèce de pédanterie antiraciste là de cette dana là ? Ouais, vite fait, mais. Franchement, mais on s'en fout, hein. C'est fou, mais qu'est-ce qu'on a à branler qu'elle veuille pas habiller Melania Trump ? Mais vraiment, Je suis d'accord avec toi, mais... C'est vrai, on en a rien à foutre, mais les médias en ont visiblement quelque chose à foutre, quoi. Parce que ces états d'âme sont dans la presse. Oui, mais comme tu le dis, c'est le cirque antiraciste. Bon, voilà, c'est aussi du commerce, c'est pour faire parler d'elle. Mais je pense que la plupart des gens n'ont juste rien à branler. De toute façon, Melania Trump, c'est un mannequin. Je veux dire, même avec un sac poubelle, elle serait magnifique. Elle n'a pas besoin de cette connasse, quoi. Je suis d'accord. Captain, tu veux parler ? Ouais, en fait, c'est très rigolo. Alors, passer le côté, effectivement, merchandising antiraciste, ce qui me fait mourir de rire quand je vois ça, ça me fait penser à un vieux syndicaliste SNCF que j'ai connu qui disait à l'époque « Écoute, nous, ici, on est ouverts, on accueille tout le monde, de l'extrême-gauche à l'UMP. » Et le mec... Voilà, pour lui, c'est accueillir tout le monde, tu vois, dans sa formation. Et bah, cette bonne femme, elle est tout à fait à l'image de toutes ces réactions vraiment viscérales, de ces pseudo-antiracistes, pseudo-féministes. Pseudo-féministes qui, je le rappelle quand même, lors de manifestations, ont appelé au viol de Melania Trump. Hein, c'est quand même exact, ouais, c'est vrai ça. Ouais, c'est vrai. Déjà, tu vois. Et ces gars-là qui, en fait, ils sont toujours en train de prôner l'ouverture, la sympathie, la tolérance, la bonhomie. Et dès qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à leur petit monde, tu sais, avec des lunettes de bisounours, qu'est-ce qu'ils font? Ils déchaînent la haine sur eux, quoi, tu vois. La meuf, on la connaît pas, elle s'acharne sur Melania Trump, on lui a rien demandé. Elle est dans la mouvance de tous ces petits débiles-là qui, aux États-Unis, et même en France d'ailleurs, parce qu'au jour même, là, on est en train de. Il y a une manifestation à Paris contre Trump, tous ces gens-là qui finalement se prétendent, se veulent être dans le camp du bien, alors qu'in fine, la seule chose qui les anime, c'est la haine, quoi, tu vois, la haine des gens qui pensent pas comme eux. Oui, puis surtout, c'est un truc, à mon avis, qui sera très confiné dans son influence, parce que, au fond, aux États-Unis, le chantage à l'antiracisme, c'est ce qui a permis la candidature de Trump, c'est-à-dire ça ne marche plus, c'est-à-dire les gens, enfin en tout cas une grande partie de la population, on a vraiment juste ras le cul. D'écouter ces injonctions, genre « Ah, il est raciste, je ne veux plus travailler avec lui », etc. C'est évident que ça touche même une partie des élites industrielles, dans la technologie, etc. Donc c'est quelque chose qui va peut-être avoir un écho en France, peut-être dans une petite partie de la population aux États-Unis, parce que je pense que les gens qui ont voté pour Clinton, même, ce n'était pas forcément pour des raisons d'antiracisme, etc. Même les nègres, d'ailleurs, ils votent... Ils votent à gauche pour avoir des allocs, pour avoir des chèques du gouvernement, et c'est tout. Donc, c'est des gens qui piquent des crises, et en fait, à mon avis, tout le monde va s'en foutre. Il y a bien qu'en France, à mon avis, qu'il y a des gens qui vont encore prendre ça au sérieux. Hein. Genre, une designer française qui s'insurge, etc. Enfin, je vois vraiment pas où est-ce que ça peut avoir de l'écho, à part en France, réellement. Ouais, c'est pas faux. Enfin, je sais pas, parce qu'en même temps, elle a réalisé une prouesse, parce qu'elle a réussi à faire ressembler à Michelle Obama à quelque chose qui a l'air vaguement de quelque chose de féminin. Donc c'est, oui, si tu ne t'intéresses ni à la mâchoire, ni à la carrure. Ah ouais, c'est vrai. Féminin, certes, mais. Mais de loin. Mais très peu humain. Hein. Si tu fais abstraction du fait qu'elle ressemble à un homme, alors elle peut ressembler à une femme. Alors elle marche comme un homme, elle a les hanches d'un homme, elle a la gueule d'un homme. Alors, c'est peut-être même un homme d'ailleurs. Elle est peut-être progressiste jusque-là, hein, l'ami Obama, on ne saura jamais vraiment, sauf à aller voir. Mais j'ai pas envie d'aller voir, donc on va s'arrêter là. Enfin bon, bref, voilà, l'épisode de résistance à l'oppression, c'était ça, c'était la designer donc de Michelle Obama qui a sacrifié sa carrière pour l'honneur de l'antiracisme et de l'émancipation des nègres. Sujet numéro 2, chers amis. Alors là, on change complètement, pas du tout d'univers en fait, mental du moins. C'est l'analyse de la situation américaine par Thierry Messin. Ça va vous intéresser, ça, je présume. Frédéric, ça va t'intéresser. Alors, évidemment, il a publié un long texte, il y a plein de choses dedans, et moi, j'ai retenu quelque chose qui lui tient à cœur. Hein. Et il n'y a pas qu'à lui, d'ailleurs, parce qu'on retrouve ça dans tout ce qui prétend pouvoir tenir un crayon en France, pratiquement. Je cite Thierry Messin. Dans un article sur la victoire de Donald Trump. J'expliquais il y a quelques semaines dans ces colonnes que le clivage qui divise les États-Unis n'est déterminé ni par les appartenances ethniques, ni par les classes sociales, mais par l'idéologie puritaine. Ça, Frédéric, c'est pour toi. C'est-à-dire que Messon analyse ça avec son prisme de grosse pédale, n'est-ce pas ? Et pas que pédale, puisque je veux dire, même les PD américains sont moins cons que ça. C'est-à-dire c'est vraiment le prisme de la pédale alors française, pro-musulman, je sais pas trop. Enfin, c'est vraiment une sorte de mélange de caca, de trois goûts différents, quoi. Et ça donne quelqu'un qui est quand même très déconnecté de la réalité, parce que bon, même les homosexuels américains ont l'honnêteté ou la lucidité de voir qu'effectivement il y a eu un vote ethnique, etc. Enfin bon, particulièrement chez les Noirs d'ailleurs, plus que chez les Blancs. Mais non, l'idéologie puritaine, c'est même avec Donald Trump, hein, c'est loin d'être un puritain. C'est sûr qu'il... Non, mais justement, il dit que la victoire de Donald Trump, justement, c'est une victoire contre l'idéologie puritaine. Bon, factuellement, Trump n'est pas du tout puritain, c'est clair. Alors, ceci étant dit, Obama n'était pas plus puritain. Ah donc il pense, lui, que l'idéologie puritaine était incarnée par Hillary Clinton, c'est ça ? Ben, en fait, il dit, voilà, visiblement, il dit, ça, c'était l'idéologie dominante, etc. Il n'y a pas... Alors, ça, c'est intéressant. Et là, j'ai envie de rebondir sur Soral, parce que... Ceux qui nous écoutent ont envie de sortir... Un autre homosexuel français, donc. T'es responsable de tes propos. Moi, je ne m'avancerai pas sur la sexualité des gens, je la leur laisse, mais disons que je focaliserai uniquement sur le côté politique, je rebondirai sur ce qu'a dit Alain Soral, parce qu'on a une espèce d'opposition en France qui, en fait, ne peut pas s'empêcher de tout voir à l'aune du prisme marxiste. Et alors mou, enfin je veux dire dilué tantôt dans l'eau, tantôt dans le pinard, tantôt ce que vous voulez, mais enfin il y a toujours cette espèce de soupçon de marxisme qui vient tout putréfier, quoi. Et alors il y en a Soral qui nous a expliqué, il nous a dit mordicus, hein, il a dit non, le vote de Donald Trump n'est pas un vote racial, c'est un vote de classe. Alors, je veux que vous en parliez. Voilà, je veux non, mais tu parles de Soral, mais tu aurais très aussi bien pu parler d'Alain de Benoît, hein, qui a dit la même chose. Je pense qu'il a dit même avant Soral, hein, voilà, pour dire que c'était... Avant les résultats, donc. Oui, non, mais que c'était la lutte des classes et compagnie, quoi. Enfin, le même bazar qu'habituel, quoi, l'extrême droite communiste qu'on a l'habitude de se frapper, hein, depuis quelques années, qui nous empêche un petit peu de respirer dans notre pays. Bon, c'est rien de nouveau. Par exemple, Fred, donne-moi des chiffres qui démontrent que c'est complètement bidon. C'est complètement bidon. Parce que, Je veux juste dire un truc. On ne peut pas nier le fait qu'effectivement, il y a une dimension sociale dans ce vote. C'est logique, tout vote a une dimension sociale. C'est évident. Les mecs qui ont perdu leur boulot, les mecs qui triment pour essayer d'arriver au fin des mois, etc. Les mecs qui bossent ont voté dans une certaine direction, c'est clair. Mais la question, c'est quelle race bosse plus qu'une autre et quelle race ne bosse pas et vote pour un parti plus qu'un autre. Et là, pour comprendre, il suffit de s'intéresser aux réactions en fait, de la partie adverse, c'est-à-dire aux adversaires de Donald Trump, et notamment la gauchiasserie féministe, qui s'est plaint, qui a été choquée, par exemple, du vote des femmes et des femmes blanches, qui ont voté majoritairement pour Trump, malgré tout ce qui lui a été balancé dessus, comme quoi voilà, il était misogyne, etc., son attitude vis-à-vis des femmes. Et c'est des femmes de toute classe sociale. C'est-à-dire, ce ne sont pas seulement les femmes des classes populaires qui ont voté pour Donald Trump en majorité, mais des classes plus aisées, etc., etc. Donc, effectivement, et c'est vrai aussi pour les hommes, il avait une grande majorité des hommes blancs. Donc, c'est pas du tout confiné à un vote de classe, voilà. Et encore une fois, effectivement, on se tape des marxistes, enfin des communistes qui ont juste... je ne sais pas, un demi-siècle, voire un siècle de retard, qui nous racontent leur conneries en sortant du PMU ou de... C'est quoi le vote noir pour Clinton ? C'est quoi le vote noir pour Trump ? Ah bah, je crois que c'était du 8% pour Trump, hein, donc 88% enfin, un truc comme 92% pour Clinton, 8% pour Trump, il me semble. Un truc comme Donc il n'y a pas de vote ethnique, quoi, hein, clairement. Voilà, non, aucun... Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'il parle de... C'est-à-dire, c'est vraiment fascinant, ces gens qui disent qu'il n'y a pas de vote ethnique... sans s'intéresser, on dirait, au vote des Noirs américains qui ont voté quand même. C'est comme en France. Mais non, mais quand 92% des nègres votent pour Obama, c'est progressiste. Quand on va dire 55% des blancs votent pour Donald Trump, c'est du nazisme. Oui, puis c'est la même chose avec les musulmans, enfin les bougnoules en fait de France. C'est-à-dire que c'est pareil en France, voilà, on nous vend des musulmans patriotes, hein, l'islam intégré, machin, machin. Et bon, en réalité, on sait que je ne sais plus combien, 92 ou 93% des bougnoules votent pour le Parti Socialiste, évidemment, pour le pognon, pour les aveugles, etc. Et on va nous expliquer toujours les vieux communistes de merde, ces vieux croulants là qui méritent d'être euthanasiés. Nous explique qu'il n'y a pas de vote ethnique, quoi. C'est bien partagé, voilà. Donc c'est des gens qui ne s'intéressent jamais, c'est-à-dire ils nous font cette discussion-là en parlant principalement des Blancs, sans jamais s'intéresser, effectivement, au vote des minorités, entre guillemets, qui commencent à être quand même très présentes, qui votent massivement de façon ethnique, quoi. C'est juste évident, c'est-à-dire que tous ces gens-là méritent juste d'être foutus au four sur le champ, hein. Oui, bah effectivement, pour répondre à Messon et à tous les communistes mentaux de France et de Navarre, arrêtez avec votre blabla. C'est clairement un problème de communisme mental. L'obsession du communisme, c'est la lutte des classes. Et on connaît aussi les liens entre le communisme et l'antiracisme. Donc évidemment, ils sont là en train d'essayer de nier la réalité ethnique, alors qu'on a quand même des lois ultra racistes. Et ça se vérifie partout où ils sont, notamment en Afrique. On a un vote à 88% ou 92% pour Clinton chez les Noirs. Et ces types-là ont le culot de venir vous expliquer qu'il n'y a pas de vote ethnique dans cette élection. Mais ils sont complètement fous. Et ils sont encore là à essayer de recycler leur lutte des classes à la con, qui n'est qu'un truc qui a été inventé pour nier la race, pour diviser le peuple en deux, enfin les uns contre les autres, avec les ouvriers, les patrons de l'autre côté, qui est pas un truc vraiment qui est le seul déterminant. Je veux dire, ça existe, mais ce n'est pas le déterminant. Et puis c'est là pour diviser les blancs, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a que les blancs qui prennent au sérieux ce genre d'idée à la con. Et de toute façon, les minorités, entre guillemets, c'est-à-dire que ce soit les Noirs, que ce soit les Mexicains aux États-Unis, etc., votent massivement pour leurs intérêts ethniques. Il n'y a que les Blancs qui écoutent des fils de pute pareils. Et c'est d'ailleurs... Il n'y a que les Blancs qui sont un peu idéalistes aussi. Oui. D'ailleurs, l'antiracisme n'existe que chez les Blancs. Mais voilà. il faut rappeler que le voting bloc, c'est-à-dire la coalition qui vote pour la gauche américaine, donc qui vote pour Clinton, enfin la gauche, hein, voilà... qui votent pour Clinton, c'est des coalitions. Bon, alors il y a des blancs bien sûr dedans, mais c'est en ajoutant tout le vote ethnique massif de toutes les minorités confondues, c'est-à-dire nègres, mexicains, tout ce que tu veux, etc. Même les asiatiques en partie, il me semble. Donc en réalité, oui, bien sûr que c'est un vote ethnique. C'est-à-dire sans vote ethnique, sans les marges énormes qu'elles se tapent dans les populations, dans les minorités ethniques. En fait, Clinton n'a juste aucune chance. Sans vote ethnique, oui. Elle n'est même pas là. Exactement. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Alors moi, le prisme là qu'on met, enfin, outre l'élection en elle-même, c'est l'interprétation qui en est faite en France. Bon, on ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit. Mais c'est pourquoi j'ai voulu parler de Messant, pourquoi j'ai voulu parler de Soral. C'est parce qu'évidemment, parmi nos auditeurs, il y a des gens qui sont aussi exposés à ces voix alternatives par rapport à la voix dominante des médias institutionnels. Et j'ai envie de leur faire entendre un autre son de cloche. Et comment dire, pour mettre un peu plus en relief cette incohérence de ces personnes ou de ces commentateurs-là, Soral est le même qui s'affiche avec quelqu'un comme Bernard Lugan, qui vous explique matin, midi et soir qu'en Afrique, la démocratie est une fiction, est une imposture, parce que précisément, tout le monde vote en fonction de son appartenance ethnique. Donc Soral, en France, s'affiche avec Lugan qui explique la même chose que ce qu'on dit. Mais le mec passe son temps à nous expliquer que non, la lecture marquée, c'est la seule qui est valable. Donc Soral, c'est de la merde au niveau dialectique, c'est de la chiasse. Ça va nulle part. Et ça va nulle part, dans cette élection américaine, et je suis quand même assez effondré de voir qu'il y a des esprits nationalistes qui sont encore en train de ressasser ces vieilles lunes qui viennent de la gauche communiste et qui ne sont plus audibles nulle part. Voilà, donc enfin, tirer la chasse, passons à autre chose et essayons de vivre au 21e siècle. Il y a le gros souci de ce... Ouais, excuse-moi Astérix, il y a un de nos amis là qui il y a quelques années avait parlé de complotisme discount à propos de ces gens-là. Je me rappelle que lorsqu'il y avait eu les attentats de Boston, hein, je sais pas si vous vous rappelez, lors du marathon de Boston aux États-Unis, il parlait de pétards, hein, c'était de c'est tout ça c'est une mise en scène pour stigmatiser l'islam et les musulmans, hein, dans le monde. Et les musulmans tellement stigmatisés qu'ils sont partout en Europe de l'Ouest, quoi. Ah bah oui, non, mais vraiment, oui. C'est la folie, quoi. D'ailleurs, oui, oui. Non. Moi, je suis allé la semaine dernière sur Marseille, j'ai remarqué qu'il y avait une forte stigmatisation des musulmans, hein. Ils étaient... étaient stigmatisés, hein, qu'il y en avait partout, hein. Enfin, voilà, c'est... Je sais. Alors... Bon, c'est-à-dire qu'ils vivent un peu dans un... Tu sais, c'est comme les séries de science-fiction, tu vois, il y a des univers parallèles, il y a des gens, ils vivent dans un univers où les musulmans sont stigmatisés en France, par exemple, ou même aux États-Unis. Ouais, non, mais moi, j'ai envie de croire que c'est du business, c'est-à-dire que, le mec, là, en l'occurrence, Soral, il fait ses vidéos payantes pour sa clientèle vraiment assez restreinte. S'il a fait ça au niveau... se retirer un petit peu du public... Voilà, c'est qu'il a envie de prendre son pognon et puis au niveau politique, il n'a plus envie de jouer, quoi. Donc, bon, à la limite, je n'ai pas trop envie d'y donner tort. Astérix. Non, mais disons... Derrick posait la question de savoir comment ça se fait que ces gens-là... alors moi, Messant, je ne connais pas trop, mais Soral, je le connais pas mal. Comment ça se fait que ces gens-là aient encore un petit peu de crédibilité chez les nationaux français, européens, tout ça? Ils en ont encore parce qu'en fait le gros problème d'un mec comme Soral, c'est qu'il est totalement à la masse sur la question ethnique, mais que sur tout un tas d'autres sujets qui sont très importants, comme la manipulation par l'usure, la manipulation médiatique, le communautarisme juif, enfin tout un tas de questions qui sont quand même importantes, il a fait un gros boulot, donc il perdra pas toute sa crédibilité même s'il est complètement à la masse sur ce sujet-là. Et moi là je suis d'accord avec toi Derrick, enfin avec Gandalf aussi, il est effectivement complètement à la masse, il ne voit pas la... En fait, je crois vraiment que c'est un antiraciste. Moi, je croyais que c'était du marketing au début, je pensais que c'était du bluff, mais j'ai vu là, avec sa réaction sur les élections américaines, que ce gars-là ne croit pas au déterminisme racial. C'est assez hallucinant, il est complètement à la masse. Il a fait comme Frédéric dans l'évier, tu vois, c'est-à-dire qu'il est allé à la salle de sport avec des bougnoules et il a trouvé que c'était super sympa et du coup, voilà, c'est la seule image, j'ai l'impression, qu'il en a retiré. Hein. Alors, sûrement on aura beaucoup de choses à se dire là-dessus, sur un prochain sujet, mais je suis obligé d'enchaîner sur la rubrique suivante. Une rubrique différente, évidemment, c'est connexe. C'est le traître de la semaine. C'est le traître de la semaine. Et le traître de la semaine, c'est le préfet d'Île-de-France. Et je m'en vais vous donner son nom tout de suite. C'est Monsieur Carenco. Je ne sais pas si je le prononce bien. Carenco, je ne sais pas bien. Alors, le préfet d'Île-de-France qui explique comment il impose les clandestins, les migrants clandestins d'Afrique à la population locale en Île-de-France. Alors, je résume. Hein. Ils gueulent, donc les habitants. Je m'en fous. Voilà. Au moins, c'est simple. Alors, je cite, hein, le contenu d'un article assez dense sur la politique de ce monsieur à la tête de l'Île-de-France, et je vous livre ses propos immédiatement. « Je vais installer des centres. Beaucoup gueule pour la forme, je m'en fous. Les gens ont peur de tout. On verra qui râlera vraiment lorsque ce sera fait et combien de temps. » Là, je continue à lire l'article. « Il existe ou existera 79 centres d'hébergement dans toute l'Île-de-France. » Le département des Yvelines devrait en compter 5 ou 6. À l'évocation de Louveciennes, le préfet de région ne répond pas. Rocancourt, c'est un de ses conseillers qui acquiesce juste de tête. Bonnel revient également sur le devant de la scène. Donc c'est une conférence de presse. Hein. Revient sur le devant de la scène. Et là, il parle. Cela se passe bien là-bas, nous pourrions grossir le nombre de Tibétains accueillis. De Tibétains, écoutez bien, de Tibétains accueillis. Je vais rouvrir le dossier, regarde cela. L'article enchaîne. Plus globalement, pour le département, le préfet de région se dit, je cite, « Près outre l'avis des maires, les réunions qu'ils ont eues avec le préfet des Yvelines n'ayant pas abouti. » Donc en fait, il s'en fout. Il va imposer à tout le monde dans les Yvelines le nombre de migrants qui est prévu par ses services. L'article poursuit. Nul n'en saura plus. Hors de question de livrer la liste des sites choisis. L'article cite le préfet. Je veux que cela se fasse dans la sérénité. Arrêtons d'attiser les haines. Je ne veux pas que tout le monde aille les photographier, les filmer. L'article continue. Dans la méthode, Jean-François Caranco veut avancer. Et là, l'article cite, « Le plus vite possible, je veux utiliser des anciens hôtels, des anciennes casernes de gendarmerie, faire installer des structures modulaires. » L'Europe va très mal, mais elle attire. Et si d'autres migrants arrivent, nous les prendrons. Nous étudions d'ailleurs la possibilité de créer un troisième SAS pour les recevoir, en plus de celui d'Ivry et de Paris à l'ancienne gare du Bois, dans le 18e. Le flux risque d'augmenter ? Ce n'est pas un problème. Le monde est comme ça. Ventilation de négro, quoi. Cet espèce d'ordure de Caranco, c'est celui qui a fait. Qui a mené un enfer à nos amis Gabriac et Benedetti sur Lyon. Sur Lyon. Il était un char de la préfecture de Lyon à l'époque. Il les a fait chier, mais alors jusqu'au bout. Il leur a tout fait. Hein. Alors Caranco, il a la moustache du maçon. Oui. Moustache du maçon. Et puis Caranco, je me permets de le préciser, Caranco, c'est espagnol. Hein. Un fils de rouge. Putain. Non, mais lui, c'est un enragé. Il est en Île-de-France. C'est pourri de nègre, mais pourri à un point que c'est à suffoquer. Je sais même pas si on peut encore respirer l'air en Île-de-France. Je t'arrête tout de suite. Paris croule sous le flot de Tibétains. Hein. Parce que dans le flot de l'interview, on découvre en fait que les Tibétains s'empilent maintenant dans les arrière-cours de l'Île-de-France. Alors, c'est quelque chose que j'ignorais. Moi, la première fois que je suis allé sur Paris, j'ai pris le TGV de ma région du sud. Hein, voilà. Tu arrives, tu sors de la Bourgogne, tu vois, où c'est plein d'arbres. Puis d'un coup, tu vois des immeubles. Et puis, qu'est-ce que tu vois en bas des immeubles? Tu vois des nègres. Quoi, tu les vois. Et des Tibétains avec leur moulin à prière. Bah écoute, les Tibétains avec leur moulin à prière, j'ai eu beau les chercher, je les ai pas trouvés. Hein. Est-ce que ça l'Espagne arrive, peut arrêter de nous envoyer des sales communistes de merde, quoi? Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à régler avec l'Espagne? Non, mais Ils sont déjà là, mais c'est vrai que bon, tu vois, mais c'est pas... le Malien, tu vois, les biens sauvages, tu vois, il coupe des bras, tu vois, c'est cannibale, tu vois, tu le vois, tu vois, c'est... Mais alors, l'Espagnol, tu vois, il a une couille, tu vois, au niveau de la couleur de peau, tu le vois pas. Il faut que tu commences à regarder la forme du visage, à faire des études raciologiques. Et après, tu le vois, effectivement, quand tu vois Manuel Valls, tu vois que le type est pas correct. Hein. Les Espagnols, c'est bien un des premiers pays d'Europe de l'Ouest à avoir validé, il me semble, le mariage homosexuel, par exemple. Hein. Oui. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas... le premier pays à s'être fait bougnouliser la gueule. Est-ce qu'il n'y aurait pas une guerre intra-européenne? Est-ce qu'il n'y aurait pas une purge à effectuer au niveau de l'Espagne? Intra-européenne, est-ce que l'Espagne, c'est bien l'Europe? Quand tu vois géographiquement, c'est bien l'Europe. Oui, non, mais oui, géographiquement. Excuse-moi. Mais non, géographique. Quand tu vas regarder ce qu'ils ont fait sur la côte à Benidorm, c'est l'antre du diable, quoi, Benidorm. Hein. Ils ont foutu des immeubles de 25 étages qui sont remplis de bougnoules de France qui viennent faire caca partout. Voilà, c'est un égout à bougnoules français. Voilà, l'Espagne, c'est une poubelle. Alors attention, parce qu'il faut rajouter à cette équation Madame Hidalgo. Sinon, c'est pas complet, parce qu'il faut savoir une chose d'abord, c'est que cette Espagnole qui doit être aussi rouge et écarlate que le reste de la bande a pondu un chiard avec l'empaffé Hollande. Et Hidalgo, espagnol aussi d'origine, attention. Hein. Oui, non, mais... Ah bah, oui, bah, ouais, d'ailleurs, alors, complètement. C'est une rumeur, effectivement, qui circule. La purge! Comment ça se fait qu'il y a des gens comme ça, avec une... Quelle une gueule. Ouais, effectivement. Ouais. Non, mais leur gueule, et puis tu vois que leur gueule, c'est surtout leur pédigré racial, quoi. Ça pue le Maroc, ce truc, hein. Ça pue le Maroc, hein. Ah oui, c'est pas la Scandinavie, hein. Ah ouais, on sent les miracles de la civilisation islamique, de l'Andalousie, tout ça, ah tu oui. vois, tout ça. Oui, ça a bien mijoté, tu vois, sur des siècles et des siècles, et ça a produit vraiment une race de qualité. d'ailleurs, elle aime bien s'afficher avec l'espèce de gros métèque de maire de Londres, là, l'espèce de. Oui, là, de Khan. Sadiq Khan qui parle bien son nom. Sadiq, effectivement, il parle bien son nom, ouais, Sadiq, il aime bien nous emmerder, ce sympa. D'ailleurs, entre le sadique et le mijotage, là, c'est pas mal trouvé. Hein. Ils avaient fait une petite vidéo, n'est-ce pas, pour parler de Donald Trump, comme quoi Donald Trump était un horrible fasciste et compagnie. Bon, ben c'est bien. Non, c'était un imbécile. C'est un imbécile, Dixit. Ben écoute, j'espère que Donald Trump viendra à Paris et puis que cette pute et puis que l'autre métèque de maire de Londres viendront l'accueillir, puis en faisant des sourires, en se prosternant devant Donald Trump. Voilà, ça sera. Alors, c'est très modéré, ça. Moi, j'aimerais les voir lécher les chaussures à langue déployée. Quand tu dis métèque de maire de Londres, il y a quand même métèque de merde dedans. Hein, Alors, en tout cas, enchaînons. Bon, parce que non, mais c'est vrai, ça produit des haut-le-cœur, on le comprend bien. Alors, rubrique, comment dirais-je, suivante. Là, c'est le coup de com' de la semaine. Hein. Le coup de com' de la semaine, c'est Marine Le Pen qui lance sa campagne présidentielle et qui a décidé de mettre en avant comme logo une rose bleue tout en surfant sur la vague de Trump, de l'élection de Donald Trump. Alors, c'est audacieux. Hein. Mais alors, quelqu'un veut-il réagir sur ce symbole extrêmement violent de la droite prolétarienne française qu'est la rose bleue? Alors, j'ai vu un de nos amis sur Facebook qui a dégoté, je ne sais où, je ne sais comment, je ne veux pas savoir, un logo d'une rose bleue, pareil, de manière, orienté de manière horizontale, hein, dans le même sens d'ailleurs, c'est assez intéressant. Qui était le symbole d'un centre pour handicapés mentaux. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose quant à l'orientation politique du Front National, mais ma foi, c'est un symbole assez. C'est un présage, quoi. Oui, c'est un présage, n'est-ce pas, oui. Bah, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on a quand on a une bonne femme complètement. Destroy, hein, parce que bon, les gens ne savent pas trop, mais Marine Le Pen, c'est un petit peu la Madonna PD des nuits folles parisiennes, quoi. Hein, entourée de grosses fiottes, là, qui sont pas capables d'assumer le fait qu'avant tu sais des bites, c'est quand même des hommes qui sont censés avoir la testostérone et se comporter en tant que tel. Bah, forcément, ouais, t'as l'espèce de rose bleue qui ressemble à un débouchiotte, quoi. Qu'est-ce que tu veux, les USA ont Trump, les USA qui sont quand même bâtis sur des valeurs viriles, guerrières, la conquête de l'Ouest, hein, et puis bah nous on a la chiasse. Voilà. Ouais, t'as raison, c'est-à-dire qu'effectivement on est au cœur du sujet, là, on a une espèce de rose bleue un peu molle, étirée, etc., tu sais pas trop si c'est une marque, c'est pas trop ce que c'est, alors, si c'est une marque de champagne frelatée, un petit peu reconvertie, si je te pose, je sais pas si c'est un bar à hôtesse, on sait pas bien, tu vois, mais clairement on sent la touche de fiotte, quoi, non mais il faut le dire. C'est une touche de fiotte, la rose bleue un peu étirée en forme de clou, c'est pas un truc de travailleur, c'est pas un truc de prolétaire, c'est pas un truc de blanc enragé, c'est pas un truc d'un peuple qui est en train de se faire submerger par des bamboulas dans tous les sens. Par contre, ça se rapproche du Parti Socialiste. Hein, Ouais, mais même le Parti Socialiste, tu vois, il y a un point là, dans l'équation, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, bon, c'est un truc de PD, mais tu vois, il y a au moins un point, donc on pourrait dire, ouais, mais quand même, il y a une espèce de volonté, tu vois. Là, c'est juste le truc. Puis en plus, tu vois, c'est même plus Marine Le Pen, quoi, c'est Marine. Et en fait, ils ont choisi le bleu. Les mecs, ils sont creusés la soupière, tout le monde se dit, pourquoi le bleu et tout, les mecs sont là, pourquoi le bleu, pourquoi, mais non, putain, les gars, mais parce que bleu marine, voilà. bleu, Marine, voilà, c'est tout. Bleu. Donc t'enlèves Le Pen et t'as Marine avec la rose. Mais là, je veux dire, c'est quoi le truc? C'est quoi le but de l'opération? C'est de gagner une croisière pour le troisième âge au large de l'Arc Corse? C'est quoi le truc? Je veux dire, je comprends pas. Au large de la Turquie, hein, s'il te plaît. Ouais, Turquie, Corse, ah bah... tu fais ce que tu veux. On a l'impression que c'est la loterie pour un truc du troisième âge, le machin. Mais non, mais enfin... écoute, il faut se réconcilier avec nos amis musulmans, donc au large de la Turquie. Désolé. D'ailleurs, ouais, Marine Le Guin est allée chercher ses financements aux Émirats Arabes Unis. Bah écoute, moi je retarde. Moi j'étais lancé dans le défouraillage de Bamboula, le cassage de musulmans, la reconquête. Mais en fait, pas avec le Front National Socialiste. J'étais encore branché sur ce qui se passait en Amérique du Nord. Donc, quand tu parles de Bamboula, tu veux parler des nègres? Non, il parle des petits gâteaux. Non, je serais malhonnête si j'ai ça, parce que c'est pas comme si j'avais jamais cru que Marine Le Pen avait envie de résister à l'invasion des nègres. Non. Non, mais les mecs, vous comprenez pas, c'est une stratégie électorale. En fait, elle prépare les élections de 2022, voire de 2027. Hein, 2032. Et si jamais ça passe pas, 2044 avec Marion, ok? Voilà, quoi. C'est un plan à long terme. Alors, d'ailleurs, Marion, son papa est marié à Madame Houphouët-Boigny, petite-fille du président ivoirien Houphouët-Boigny de l'époque de la France-Afrique. La belle-mère de Madame Marion Maréchal Le Pen est une négresse. La droite radicale. La droite dure, la droite forte, la droite décomplexée. Un jour, tu verras qu'il y aura des photos de Marion Maréchal Le Pen dans des situations compromettantes. Ouh là là, non, préservez-nous-en, s'il vous plaît, mon Dieu, nous n'en sommes pas encore là. Bon, on va pas s'éterniser malheureusement sur le manque de fortitude, on va dire, du Front National. Je vous invite à une pause musicale que j'espère particulièrement velue aujourd'hui, et on se retrouve pour un débat massif sur l'Amérique, l'élection de Donald Trump. Et là, on arrive dans du très sérieux, très lourd, parce que les Américains, à la différence des joueurs de billes de l'Hexagone, il faut bien le reconnaître, eux mettent, j'allais dire, du poids dans la balance. Hein. C'est rien que de le dire, vous allez le découvrir. Effectivement, des choses commencent à se passer qui présagent de quelques bonnes augures, on va dire. Oui, quelques kilotonnes de kilotonnes de droite radicale, c'est clair. Oui, effectivement, il se passe des choses. Voilà. Bon, on se retrouve après cette pause musicale, les amis. Je m'étale sur la rame de métro. Pour voyager tranquille, j'aurais rien pu emporter. Mon fils m'avait pourtant dit oh, tu crois te faire du poulet. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas un négro. Regarde bien ma couleur de peau. Je ne suis pas un négro. Je ne vis pas avec des gens normaux. Je ne suis pas un négro. Oh, un négro. Je ne suis pas un négro. Regarde bien ma couleur de peau. Je ne suis pas un négro. Je ne peux plus vivre avec ces animaux. Je ne suis pas un négro, un négro. Je ne suis pas un négro. Regarde bien ma couleur de peau. Je ne suis pas un négro. Je veux vivre avec des gens normaux. Je ne suis pas un négro. Nous revoilà pour la deuxième partie de cette émission numéro 22 de Démocratie Participative, saison numéro 1, je le répète. Alors, là, on va se focaliser sur les États-Unis, évidemment, suite à l'élection de Donald Trump qu'on a abondamment commenté lors de l'épisode précédent. C'est le moment de discuter en long en large des retombées politiques qui sont quand même considérables aux États-Unis, qui sont aussi considérables partout dans le monde, et en Europe, et en France. Mais d'abord, on a assisté alors, à un phénomène qui nous intéresse plus directement, et vous allez voir pourquoi je le dis. On a, face à nous, une véritable campagne de purge des comptes Twitter, entreprise par cette entreprise. Et ce n'est pas du tout anodin, puisque ça a visé au moins à ce stade, hein, au moins une centaine de commentateurs divers et variés, de ce qu'on a appelé l'alt-right, hein, donc la droite alternative, c'est une façon de présenter les choses, on va dire. Et bon, on a différentes têtes, hein, on a Kevin Spencer, Richard Spencer, on a Radix Journal, on a toute une série comme ça de publications ou de figures de ce qui est présumé être la droite alternative américaine qui aurait pu jouer un rôle sur l'élection de Donald Trump. Alors, en une nuit, en 24 heures, et ça s'est déroulé je crois il y a trois jours si ma mémoire est bonne, toutes ces personnes ou tous ces groupes de réflexion ont été bannis de Twitter. Alors tout de suite, bon bah à chaud, j'ai une réaction. Est-ce que quelqu'un veut nous en parler de tout ça? Derek voulait en parler, je crois. Fred, ouais, tu veux en parler? Vas-y. Moi, je veux juste faire remarquer que, ben, qu'en fait, c'est juste trop tard, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils s'excitent, ils veulent fermer des comptes, mais l'élection, c'est déjà réglé. Et de penser qu'ils vont arriver à fermer la vanne de l'alt-right et de l'influence qu'elle a eue et qu'elle va continuer d'avoir, je pense que c'est tout simplement illusoire. C'est-à-dire que Spencer... faut savoir que Spencer a été visé particulièrement parce que c'était vraiment... Donc NPI, National Policy Institute, c'est lui. Radix Journal, c'est lui. Il y a un ou deux autres comptes qui ont à voir avec lui. Donc c'était vraiment... en gros, on voulait faire dégager Spencer, mais il y en a beaucoup d'autres. Et mais c'est totalement illusoire, c'est-à-dire que l'élection est déjà passée, ils vont certainement se réinstaller, c'est-à-dire relancer des comptes alors sur d'autres réseaux, peut-être d'autres comptes sur Twitter, ils vont continuer à faire des podcasts, ils vont continuer à diffuser, leurs sites vont continuer à tourner. Je pense que c'est pour le geste, quoi, hein, c'est-à-dire que les communistes ont un besoin irrépressible comme ça de censurer. Mais ça n'aboutira à mon avis pas à grand chose. mais ça témoigne bien de leur détresse, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont rien à répondre en réalité à l'alt-right, aux idées qui sont véhiculées, il n'y a rien en face. Et donc la seule réponse, c'est, ben voilà, on va fermer des comptes, on va vous interdire, machin, etc. Bon, le problème, c'est que c'est la même stratégie qui est utilisée maintenant depuis des lustres, hein, c'est-à-dire qu'en gros, avec les gens d'extrême droite, entre guillemets, là, en espèce de l'alt-right, ben on censure, hein, on leur dit, voilà, tu fermes ta gueule, t'as plus le droit de parler, etc. Mais ça ne marche pas, c'est-à-dire que de toute façon, le message se diffuse, puisque ben, les idées finissent toujours par s'imposer si elles sont justes, si elles ont un écho auprès de la population. Et bah là, en l'occurrence, ça a marché, c'est juste trop tard, voilà. Vas-y, Derek. Oui, enfin, là, c'est, effectivement, il y a des comptes suspendus, Richard Spencer en a parlé, au niveau américain. Enfin, quand même, c'est, Twitter réagit un petit peu tard par rapport à la réaction qu'il y a eu aux États-Unis, quoi. Donald Trump vient d'être élu, quand même, hein. C'est pas, c'est fail, c'est même minable, quoi. C'est-à-dire que Donald Trump vient d'être élu, on prend quelques soutiens pro-blanc américains, puis on les vire. Je sais pas. Bon, oui, gros, c'est ça, effectivement. Il y a un côté un petit peu panique, ouais, c'est panique ça, c'est à bord. On n'a pas réussi à stopper le mouvement, quoi. Donc on vire quelques-uns pour dire on fait des trucs. On s'est tous fait virer de Facebook ou de Twitter au moins une ou deux fois, hein, facilement. Et bon, écoutez, au fur et à mesure, on est toujours là, hein, on est toujours là, on fait notre petite activité, et puis on distille notre amour, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et bah il oui, faut savoir que l'amour de notre peuple. Les comptes qui ont été fermés, donc ça a été fait sur la base de recommandations, n'est-ce pas, du Sovereign Poverty Law Center, donc le SPLC ouais. américain, qui est une sorte d'officine antiraciste, un peu comme serait la LICRA ou non, mais une officine oui, juive. Ah, ouais, non, de sales youtrons, de sales juifs de merde de gauche. Et donc les mecs, en gros, ils balancent leur liste, quoi, et puis on ferme ce qu'ils ont décidé de fermer. Mais bon, je vois vraiment pas. C'est vraiment histoire de sauver l'honneur, quoi. C'est-à-dire histoire de dire qu'ils ont fait quelque chose, mais bon, c'est fini. Non, hein, c'est réglé. Mais non, mais ils sont carrément à la ramasse. Tu fermes un compte sur Twitter, t'en as 10 derrière qui ressortent. Ils ont une approche là-dessus. En fait, ils sont très nerveux. On aura l'occasion d'y revenir. On en a parlé tout à l'heure entre nous. Il y avait tout un programme qui était prévu par l'administration Obama, par le gouvernement américain sous l'égide du Parti démocrate, donc des socialistes et autres, qui visait en fait à véritablement détruire ce qui restait de la liberté d'expression aux États-Unis. Parce que ceux qui nous écoutent doivent savoir qu'effectivement en France, la liberté d'expression n'existe plus. Je veux dire, en tout cas pour les gens qui sont des patriotes, des identitaires, des nationalistes et autres, ou simplement ceux qui font preuve de bon sens, leur liberté d'expression n'existe plus. Et aux États-Unis, il reste encore malgré tout le premier amendement, le deuxième amendement aussi, les deux allant de pair, c'est-à-dire en fait le droit de s'exprimer, le droit de porter une arme, c'est-à-dire le droit de se défendre face au gouvernement. Les socialistes qui mettent l'emphase sur le gouvernement et l'État pour régenter la vie des gens ont bien évidemment compris qu'il fallait détruire les deux. Et c'est ce qu'ils voulaient faire, et Obama était bien avancé, sauf que, miracle, Donald Trump a gagné et que leurs plans ont été d'ailleurs mis en échec, au moins temporairement. Et quand on regarde les initiatives et les décisions et les programmes qui étaient prévus, qui sont encore prévus, on ne sait pas s'ils seront annulés d'ailleurs, eh bien effectivement, un certain nombre de personnes, et notamment les identitaires américains, étaient extrêmement ciblés, notamment sur Twitter, et on leur reprochait leur soutien à Donald Trump. Il faut quand même lire les documents, ils sont accessibles en ligne. C'est-à-dire qu'au départ, on pensait, enfin les gauchias américaines, et la gauchias mondiale en général, pensaient, par erreur, que les soutiens de ce qu'on appelle les white nationalistes, hein, plus crûment, donc de l'alt-right, bon, qui est... Nationalistes blancs, hein. Voilà, les nationalistes blancs, allait nuire en réalité à la popularité de Trump, que ça allait le faire baisser, voilà, lui saboter sa campagne. Et donc, en fait, ils ont laissé pisser pendant assez longtemps. Ils se sont dit, en fait, ça va le décrédibiliser. Et en fait, c'est juste l'inverse qui s'est produit, tout simplement parce que les militants sur les réseaux sociaux du white nationalisme, de l'alt-right, etc., sont des gens qui sont quand même beaucoup plus énergiques, beaucoup plus créatifs et beaucoup plus intelligents, bon, avec tous les bémols qu'on peut y mettre. C'est-à-dire qu'on peut critiquer les militants d'extrême droite en général, on peut leur trouver plein de défauts, mais ils sont quand même à des lieux, en termes de qualité, en termes de créativité, des militants de gauche et d'extrême gauche, dont la seule réponse, je le répète encore, est de censurer. C'est-à-dire que les mecs n'ont rien en face. Donc forcément, des mecs qui sont motivés, qui sont créatifs, qui font, alors qui créent des mèmes, voilà, des images comme ça pour s'amuser, des trucs un peu humoristiques et un peu choquants, bah bien sûr, c'est eux qui finissent par donner le là, en fait, par mener la danse. Et comment dire, effectivement, ces listes-là de comptes à supprimer qui ont été balancées par des associations antiracistes, bon, ben, ça ne va pas. Ça ne va pas durer très longtemps, c'est un petit orage qui passe, mais à mon avis, ça n'aura pas de grandes conséquences. Ah oui, et il y a une autre chose sur laquelle je voulais attirer l'attention des auditeurs, c'est que souvent, on a, notamment aux États-Unis, je ne sais pas en France à quoi ça peut correspondre, mais souvent, des gens expliquent que, comment dire, que le capitalisme bien compris, hein, donc le capitalisme libertarien, finalement permettrait au maximum, le mieux possible, la liberté d'expression, puisque au final, c'est le gouvernement qui cherche le pouvoir en place, qui cherche toujours à censurer, à contrôler, etc., etc. Et en fait, là, on a la preuve, parce que Twitter, ce n'est pas la seule entreprise qui a pratiqué ce genre de censure, on a la preuve qu'en réalité, toutes les grandes entreprises qui font tourner donc, ces réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, etc., ils ont tous été à la pointe de la censure anti-nationaliste, anti-donc revendication identitaire blanche. Et il y a quand même un désaveu de tous ces gens qui pensent qu'avec une sorte de libertarialisme, un free market comme ça, voilà, un marché libre, voilà, un capitalisme, etc., que ça donnerait, voilà, par opposition au contrôle, à un certain contrôle de l'État, voilà, sur tel ou tel média. En fait, on se rend compte que les entreprises privées, donc voilà, les grands groupes privés, sont beaucoup plus efficaces, réagissent en réalité beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de virulence que la machine étatique qui, en général, malgré son agressivité idéologique, est quand même assez lente à se mettre en mouvement, doit se justifier, voilà, de plusieurs façons, alors qu'aux États-Unis, pour un groupe privé, c'est simple, ils expliquent, voilà, nous sommes un groupe privé, nous avons le droit de décider de qui a le droit de s'exprimer ou non sur notre plateforme, nous avons le droit de fixer les règles, et donc, on vous encule. Donc, on est une entreprise privée, on a le droit d'être communiste, on t'emmerde. Voilà, le free market capitaliste, en fait, il a quand même ses limites. Hein. Le free market, le marché libre des idées, n'est-ce pas ? Parce qu'il suffit qu'un géant... En fait, c'est-à-dire qu'on est dans une situation, en fait, où le truc, c'est qu'il n'y a pas d'alternative à Facebook, il n'y a pas d'alternative à Twitter. Donc, de facto, de toute façon, il y a un monopole. Donc tu ne peux pas, et les mecs peuvent dire, mais non, attendez, il y a plein d'alternatives, etc. Ouais, ouais, techniquement, il y a plein d'alternatives, sauf que tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur Twitter, tout le monde est sur YouTube, mecs t'imposent, et j'ai bien aimé, Tu parles de monopole attends, je te laisse. Et j'ai bien aimé la formule de Richard Spencer qui a dit, effectivement, on a affaire à un stalinisme d'entreprise, quoi. Et c'est exactement ça, on est là-dedans, c'est-à-dire qu'on a des groupes internationaux qui te fixent leurs règles et qui te virent du jour au lendemain, et ils n'ont même pas à répondre, parce que c'est-à-dire que tu ne peux même pas te retourner vers aucun... tu ne peux pas faire valoir tes droits, etc. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire qu'imagine, je sais pas, quelqu'un de très populaire sur Twitter, t'as 100 000 personnes qui te suivent, on te supprime. Je veux dire, si tu veux récupérer ton compte réellement, en fait, il faudrait que tu rentres dans une bataille terrible contre le groupe et tout pour qu'ils te le rendent, ce qui n'arrive jamais, tu vois. Donc les types sont dans un rapport de force incroyable et ils le savent. Ils n'en avaient pas tellement abusé jusqu'à il y a un certain nombre d'années. Maintenant, ils sentent qu'ils sont en position de force et en plus, ils reçoivent maximum de coups de pression. On va en parler. Et voilà, c'est parti, quoi. Et voilà. Là, dans sa campagne présidentielle, Donald Trump s'est accordé un petit extra, on va dire. Il a fait courir la rumeur comme quoi il allait faire un discours sur le certificat de naissance du président Obama. Tous les médias sont arrivés, ils l'ont filmé, tu vois, ils ont retranscrit ça en direct sur les CNN, Fox News, CBS et compagnie, en direct dans le monde entier. Et puis le mec, il a parlé de sa campagne américaine, sa campagne présidentielle. Et puis là, finalement, sur la campagne, enfin, sur le truc Obama, il a rien dit, quoi, pour dire que c'était Hillary Clinton qui avait lancé le truc. C'est magnifique. Il fallait voir la gueule des mecs quand il avait annoncé, je sais pas, 2-3 jours avant, comme quoi il allait faire une déclaration sur le certificat de naissance d'Obama. Et donc là, voilà, tous les médias se sont mis, ils ont mis tous leurs effectifs sur l'affaire. Et ouais. Puis au final, ils ont diffusé tout son discours de campagne en direct sur toutes les chaînes d'info. Alors, il faut reconnaître que, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses entre-temps, depuis l'élection de Donald Trump, et Trump a réagi, il a été interrogé hein, longuement durant une émission qui s'appelle 60 Minutes, 60 Minutes, et en fait, il donne son avis justement sur le rôle des réseaux sociaux dans sa victoire. Et il dit la chose suivante, c'est une phrase assez courte, mais qui résume assez bien. Voici ce qu'il déclare, il dit « Je pense que les réseaux sociaux ont plus de pouvoir que l'argent qu'ils ont dépensé, donc ils, c'est, comment dire, ses opposants démocrates. » Et ça, cette déclaration de victoire sur la base des réseaux sociaux, c'est pas tombé dans l'oreille de sourds. Et ça, je pense qu'on peut le prouver. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, on a eu l'international socialiste, américaine et européenne, qui soudainement, et ça vous l'avez forcément entendu dans les médias, a commencé à chanter un refrain comme quoi il y avait un problème avec les algorithmes de Facebook. Si vous avez prêté l'oreille, si vous avez écouté ce qu'on vous a dit dans les grands médias, vous allez dire, ah, tiens, soudainement, il y a un problème avec Facebook. Vous savez que ça fait des années que Facebook fonctionne, ça fait des années qu'il y a des élections, et soudainement, Donald Trump gagne, et puis quelques jours après, oh, il y a un problème avec l'algorithme de Facebook. Tiens, ils sont passés le mot ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelques exemples. Le socialiste Benoît Hamon a fait part de ses réserves sur le sujet, et je vais vous le citer in extenso. C'est Benoît Hamon qui parle. « Tous ces médias qui procèdent avec des algorithmes qui vous adressent de l'information affinitaire, donc par affinité, c'est-à-dire ce que vous pensez déjà, on vous abreuve des mêmes théories, des mêmes papiers, des mêmes journaux. Tous ces médias-là ont une responsabilité évidente dans l'apparition de contre-sociétés où chacun se construit une vérité, même si cette vérité est très loin de la réalité. À la réalité de l'immigration, à la réalité de la corruption, etc., la vérité est très loin. » Il poursuit, donc je pense que la question aujourd'hui de Facebook, de Twitter, etc., de tous ceux qui hébergent des contenus racistes, homophobes, antisémites, islamophobes, où se déverse une violence et une haine, on ne pourra pas continuer avec une forme de dichotomie entre d'un côté des organes de presse, presse écrite, qui ont une responsabilité sur le contenu de ce qu'ils publient, et des hébergeurs ou des médias comme ceux-là, donc Facebook, qui se déchargent de toute responsabilité. Donc ça, c'est Benoît Hamon, en fait, qui avait lancé la charge tout de suite après l'élection de Donald Trump, quoi. Et il y avait vraiment ils étaient vraiment groggy, ils étaient vraiment sonnés après cette victoire, quoi. Et Benoît Hamon sort du rang et il dit, voilà, il y a un problème avec Facebook, c'est pas possible de laisser ces gens, laisser passer toutes les informations, etc. Et puis, deux jours après, il y a Taubira qui sort, et voici ce qu'elle déclare, Taubira. Internet pose un vrai problème parce que c'est un espace de liberté. Je demande à nos auditeurs de bien se répéter cette phrase. Internet pose un vrai problème parce que c'est un espace de liberté. Voici ce qu'elle dit dans la suite. De circulation, de connaissances, de savoir. Mais cet espace virtuel ne peut pas être en dehors de toute règle, de tout principe. Il y a une série d'informations, médiatiquement de la désinformation donnée sur les réseaux sociaux. Zuckerberg, donc le patron de Facebook, ne peut pas s'exonérer aussi facilement. C'est très simple de faire de la désinformation, du détournement sur Facebook. Et c'est très compliqué de corriger. C'est grave. C'est comme ça qu'on a des insultes antisémites racistes. Il y a des personnes malhonnêtes. Les responsables de ces réseaux doivent être responsabilisés. On ne peut pas être dégagé de toute responsabilité. Ou responsabilité dans le langage des socialistes, ça veut dire en fait il faut te foutre en taule si jamais tu ne suis pas la ligne du parti. Hein. Il faut comprendre ça. Et alors, j'ai parlé de Benoît Hamon, j'ai parlé de Taubira. Donc, Taubira, c'est quand même pas n'importe qui, quoi. Elle a beau être, elle fait 1m50 debout sur un tabouret, quoi. Et c'est une Guyanaise. Cuisiner des bassines de merde. Recette typiquement africaine, attention. Voilà. Mais c'est quand même une ancienne... assise par terre, hein, s'il te plaît. C'est une ministre de la justice. Donc ça veut dire qu'elle a 2-3 ficelles quand même dans l'art de te préparer, justement, de te préparer avant la cuisson, tu vois. Et on a Benoît Hamon. Moi, je suis avec un tarif. Obama déboule. Bon, un autre Africain, vous allez me dire. Il arrive en Grèce. Le mec, qu'est-ce qu'il raconte? Il parle d'algorithme de Facebook. C'est quand même étonnant. Voici ce qu'il déclare. Je cite Le Vif, publication belge. Dans le nouvel écosystème médiatique, et là, je cite le président actuel américain, tout est vrai et rien n'est vrai tout à la fois. D'une explication sur le réchauffement climatique d'un physicien lauréat du prix Nobel sur une page Facebook a exactement la même valeur que le rejet du réchauffement du climat par quelqu'un qui est payé par les frères Koch, ou Koch, qui dirige un groupe chimique et pétrolier. Donc en fait, il y a des versions alternatives, il y a des contestations sur le sujet du réchauffement climatique. Excuse-moi, Gandalf, tu es en train de dire que Barack Obama est un complotiste antisémite? Moi, je n'ai rien dit. Je me contente de le citer. Autant pour moi. Je me contente de le citer. Obama poursuit, enfin l'article poursuit, mais en citant Obama, en citant le contenu de ses propos. Depuis les élections américaines, plusieurs géants technologiques ont déclaré la guerre aux sites qui promotionnent les informations factices. Google et Facebook sont par exemple prêts à interrompre leur publicité et sur ces sites. Alors, c'est un peu long comme présentation. Mais ça vaut la peine de s'y attarder parce que ça va nous concerner tous. Donc on a une élection aux États-Unis, Donald Trump gagne à la surprise générale. Tous les instituts de sondage avaient milité contre lui, toute la presse a milité contre lui, télévision, radio, journaux, etc. C'est vrai au niveau international, et finalement il gagne au suffrage. Soudainement, moins d'une semaine après, le président des États-Unis sortant, Obama, chef de l'International Socialiste, c'est pas moi qui l'invente, puisqu'il est à la tête du Parti démocrate, premier parti socialiste de la planète, suivi de braves socialistes français, dont Taubira, nous explique qu'il y a un problème avec Facebook, parce que les algorithmes ne sont pas bons. Ça fait sortir les mauvaises informations, et donc il faut se préparer à une rectification, sur laquelle d'ailleurs ils ne reviennent pas dans le détail. Alors moi, je vais vous poser la question suivante. D'après vous, ça va être quoi le futur sur les réseaux sociaux avec des gens comme ça qui, disons-le, contrôlent totalement la Silicon Valley, contrôlent totalement les grandes entreprises du net américaines, parce qu'ils les contrôlent toutes. Donc oui, par rapport à tout ça, on voit que, comment dire, tout l'establishment américain, bon, notamment les médias évidemment, mais ça se passe aussi au niveau des autorités politiques, ils déclarent ouvertement la guerre à ce qu'ils appellent les fake news, c'est-à-dire les fausses informations, dans lesquelles ils ont fait un classement de sites, parmi lesquels, par exemple, il y a Infowars d'Alex Jones, dont l'audience a littéralement explosé pendant la campagne de Donald Trump. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très suivi. Donc, ils décident maintenant, ils font une liste de sites qui sont juste labellisés « fausses informations », voilà. Même s'il y a des tonnes de gens qui les suivent, etc., que ça, c'est un gros public. Et ces sites-là vont tout simplement être, je pense, retirés des référencements dans certains moteurs de recherche. Je ne sais pas si Google va y participer, mais bon, sur Facebook, sur d'autres sites de réseaux sociaux. Et ils vont essayer de faire, en quelque sorte, disparaître, tout simplement volatiliser tout ce qui ne pense pas comme des gentils petits soldats du parti socialo-communisto-métèque. Et donc là, on retrouve vraiment l'essence du socialo-communisme, c'est-à-dire que si t'es pas d'accord, ben voilà, on te fait fermer ta gueule d'une façon ou d'une autre, tu vas au goulag, quoi. Et donc c'est le goulag, c'est tout. Et donc maintenant, mais on sent vraiment, hein, c'est l'idée, les fausses informations. Donc si t'es pas d'accord, ben en fait, c'est faux, tu vois. Et si tu as des arguments pour te défendre, voilà, si tu veux expliquer ton point de vue, bon, de toute façon, tu vas te faire enculer. C'est des fausses informations, tu n'as pas le droit d'exister, tu n'es pas référencé. Ton site n'apparaîtra plus sur les réseaux sociaux. Effectivement, ça va donner... Je sais pas si ça va arriver à se mettre en place. Il va certainement y avoir des concurrents qui vont jouer de ça pour essayer de se positionner sur le devant de la scène. Parce que c'est quand même vrai que c'est très chiant quand il y a trop de censure et que du coup, on ne voit plus du tout apparaître certaines idées, certains points de vue. Ça va rendre certains réseaux sociaux, à mon avis, certains sites assez... assez vide, assez insipide. Donc il y a des concurrents qui vont en profiter, mais c'est vrai qu'il y a une grande question sur ce à quoi va ressembler Internet dans les années qui vont venir. Et encore une fois, je reviens sur cette idée du Web 2.0, n'est-ce pas, qu'on nous avait vendu comme le nouvel Internet où tout le monde pouvait participer. Et en fait, ils se sont vite rendus compte que quand les gens participent, ils ne sont pas forcément d'accord. Et ça pleure dans tous les sens, et les gauchistes sont pas contents, donc il faut censurer, il faut créer des goulags, etc. etc. Donc finalement, l'aboutissement du Web 2.0 et de la démocratie participative, ça sera l'utopie communiste, où si tu n'es pas d'accord avec le parti, tu disparais. c'est exactement ça. Ouais, on est... En plus, il y a un effort de coordination qui ne doit pas échapper à ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que... faut bien comprendre que Obama, Merkel en a parlé aussi, mais avec anticipation, donc c'est quelque chose qui circulait depuis au moins 2 semaines. Mais on a Obama qui arrive en Grèce, qui en parle, on a la classe politique française avec une ancienne ministre de la majorité actuellement en place, hein, Taubira, qui en parle, on a Hamon qui vient de rencontrer Bernie Sanders aussi, qui en parle, et tout d'un coup, tu vois, Facebook devient le problème général. On ne sait pas pourquoi, c'est un problème, voilà, ça va pas, etc. Et tout d'un coup, et Obama, lui, parle de Facebook et des fausses nouvelles. Et soudainement, les médias sociaux, parce que Twitter, Facebook ont annoncé des mesures, dans le même moment, enfin dans le même temps, ils ont annoncé des mesures contre les fausses nouvelles, ce dont tu as parlé. Obama a parlé de fausses nouvelles, de désinformation. Les Français ont parlé de choses un petit peu différentes. Donc les socialistes français ont parlé de choses où les gens, les médias, etc., vérifient pas toujours, etc. Donc il y a l'idée comme quoi les médias sociaux ne diffuseraient pas des informations validées. Validées par qui? Effectivement, par le parti, quoi, par l'autorité centrale. Le problème, c'est que cette philosophie-là, qu'est-ce que ça vaut? Parce que, excuse-moi, tu vas au bistrot du coin. Le mec, il est à côté de toi, il boit un café. Il te raconte une connerie. Il te dit, tu sais pas quoi, Obama, tu vois, en fait, il est en train de troncher Kim Basinger. Ah bon? Ouais, je te jure, hein, sur le bureau de la Maison Blanche, je le sais. Ah bon? Mais toi, t'es pas con, tu sais que c'est une bêtise. Donc tu fais pas confiance, tu t'en fous, tu passes à autre chose, quoi. Et ils sont en train de te mettre dans l'idée que tout ce qui est prononcé en public doit être vrai et vérifié. Par qui? Par des communistes. Par ceux qui ont le pouvoir. Par qui d'autre? Par ceux qui ont le pouvoir. C'est ça qu'ils veulent dire. Ils veulent dire que c'est ceux qui ont le pouvoir qui doivent vérifier, enfin, qui doivent te dire, voilà, ça c'est une information que tu dois croire parce qu'on te dit que ça c'est vrai et que ça n'est pas vrai. Une autre information. Mais ça ne tient pas la route philosophiquement 3 secondes parce qu'évidemment, à partir du moment où des êtres humains échangent, il y a une partie qui est fausse, une partie qui est inexacte, une partie qui est vraie, et c'est comme ça que l'être humain fonctionne. Parce que l'être humain n'est pas parfait. Mais ces gens prétendent, et c'est ça le propre du virus socialiste et marxiste, c'est que ces gens prétendent avoir la vérité, et quand le truc leur échappe, et là c'est du cynisme, les mecs te disent « Non, attendez, vous n'avez pas compris. » En fait, ils disent aux gueux « Non, mais vous n'avez pas compris, vous êtes trop cons de toute façon. » Notre idéal est trop beau, trop pur pour que vous y ayez accès, donc désolé les gars, vous pouvez pas piger. On va rectifier pour vous. Et le truc, c'est que c'est pas des allumés qui sont en train de raconter ça, c'est des gens, c'est le président des États-Unis, c'est une ancienne ministre de la Justice, et les mecs se passent le mot en direct. Et soudainement, on voit des mecs de l'alt-right, comme Richard Spencer et autres, qui sont suspendus sur Twitter. Et tout ça en moins de 48 heures. Donc on est clairement face à une offensive de ceux qui tiennent les médias, les réseaux sociaux, les médias de masse, et qui n'accepte pas l'élection de Trump, qui n'accepte pas la révolution populaire et identitaire, et il faut s'attendre à du dur. Je veux votre réaction là-dessus. Vas-y, Fulbert, excuse. Ouais, en fait, si on veut un petit peu synthétiser ce qui a été dit, les tenants de l'ancien régime, qu'ils soient américains et ou son allié européen, ces tenants de l'ancien régime admettent objectivement qu'ils ont perdu la bataille de l'information. Ils ne sont plus à la hauteur. Ils se sont fait maître et profond. Et ça s'est révélé avec, justement, l'élection de Donald Trump. Et ils sont foutus de ce côté-là, c'est fini. Et ils ne savent pas comment ils vont remonter la pente. Le seul moyen, c'est d'essayer de détruire la machine de ceux qui, eh bien, qui ont remporté la bataille de l'information. Qui veut en parler autrement ? Ouais, en fait, je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, en fait, par exemple, sur Hamon. Moi, ce qui me fascine, c'est ces élites, en fait, ces élites qui sont profondément contre nous, quoi, tu vois. C'est plus qu'une manie, c'est un super pouvoir, quoi. Leur super pouvoir, c'est d'arriver à te prendre pour un con, et ils font toujours de l'inversion, c'est de l'inversion accusatoire systématique, quoi. Quand tu as, par exemple, Hamon, qui dit que donc dans les médias alternatifs, chacun se construit des contre-sociétés dans lesquelles la vérité est très loin de la réalité. Mais enfin, c'est quand même des mecs qui sont en train de nous envahir, nous ensevelir sous une avalanche d'extra-européens, et qui en même temps refutent le grand remplacement. Je veux dire, qui est dans un déni de réalité permanent si ce n'est ces gens-là, quoi, je veux dire. Et c'est ça qui me fascine, en fait. C'est-à-dire que c'est... Ces mecs-là, c'est les pompiers pyromanes, c'est sûr, mais c'est vraiment... c'est l'apogée de la mauvaise foi, de la malhonnêteté, de la méchanceté, de tout, quoi. Et c'est... Je me pose vraiment la question, à savoir qu'est-ce qui nous attend, hein, parce que quand on voit comment ont été traités les dissidents dans l'ex-URSS, je pense que pour nous, ça risque de chauffer un petit peu, ouais. Bah, y a quand même un truc, hein, on n'est pas obligé d'être totalement pessimiste. On peut aussi se dire que finalement, on peut se poser la question, est-ce que ces gens-là ne sont pas en train de fabriquer la corde avec laquelle ils vont se pendre ? C'est-à-dire que mettre en place donc, toutes ces mesures de censure, et certainement au niveau étatique, mais aussi au niveau de voilà, certaines entreprises, etc., qu'est-ce qui va se passer si jamais finalement les pouvoirs publics tombe aux mains d'une droite identitaire. C'est-à-dire que on en a fait des tonnes, particulièrement en France, hein, par rapport à tout le passé, à l'historique communiste mental de la France, sur la période du McCarthyisme aux États-Unis. Et moi, j'ai bien peur, enfin peur non, au contraire, ça peut me réjouir, que McCarthy, par rapport à la prochaine, au prochain round de purge de communistes dans les pays occidentaux, passera pour quelqu'un de très relax, de quelqu'un de très sympathique et de très compréhensif. C'est-à-dire que si jamais vraiment des pouvoirs identitaires blancs se réinstallent aux commandes de l'Occident, à commencer par Trump, mais un peu partout ailleurs, mais qu'est-ce qui va leur tomber sur la gueule ? C'est-à-dire que la prochaine fois, ça sera pas, McCarthy, les gars, hein. Là, vous jouez gros, hein, faut faire attention. Hein. Bah, c'est-à-dire, la prochaine fois, si tu veux, c'est Adolf Hitler 2.0. Hein. C'est enfin, voilà, Adolf Hitler 2.0, excuse-moi, pour moi, c'est déjà arrivé. Hein. Écoute, moi, je demande à voir à l'épreuve des faits, donc je n'écarte rien, c'est possible, on verra bien. Par contre, pour revenir sur cette histoire de réseaux sociaux qui soudainement font du zèle dans la chasse aux nationalistes, à l'afro-identitaire, tout en laissant d'ailleurs tous les bougnoules nègres, métèques, dégueuler leur haine des blancs sur des technologies d'ailleurs qui sont intégralement conçues par des blancs, quand même le rappeler, il faut quand même souligner un fait, c'est-à-dire que dans la Silicon Valley, entre 2008 et 2012, 83% des cadres et employés avaient fait des dons au Parti démocrate. Donc on était à 83% de soutien au Parti démocrate. Durant cette élection, on est passé à 99%, c'est-à-dire qu'ils étaient tous pour. Et pourquoi ? C'est pas du tout par idéalisme, c'est parce que toutes ces entreprises réalisent leurs bénéfices à l'étranger. dans les chaînes d'assemblage à l'étranger et que Trump a prévu une taxe de 45% pour tous ceux qui assemblaient des produits à l'étranger pour ensuite les vendre aux États-Unis. Donc en fait, c'est le patriotisme économique de Trump qui a fait flipper ces putains de tapettes de Apple et compagnie, ces PDCDI qui finissent par en crever comme l'OTAN culé, là, comment il s'appelait ce fils de pute là qui est mort du sida. Voilà, espèce de grosse fiotte, là, voilà, ce qui lui arrive, le cancer ou je sais pas quoi, vous voyez, on s'en fout. Et ben, toutes ces fiottes de merde ont commencé à flipper pour leurs revenus, là, et ils ont voté à 99% pour Hillary Clinton en 2016. Et soudainement, Trump gagne. Est-ce que c'est étonnant de voir ces enculés se mobiliser avec le Parti démocrate, avec Soros, avec tout le gros pognon de Wall Street, etc., pour dire « Ah, on a un problème sur les réseaux sociaux, les fausses nouvelles. » Non, c'est une putain d'offensive. Non mais attends. Pour nous faire fermer nos gueules parce qu'ils ne supportent plus de se faire défoncer à la loyale sur les réseaux sociaux qu'ils ont créés eux-mêmes. Et maintenant, ils veulent pouvoir dire « Toi, t'as le droit de parler. Toi, t'as pas le droit de parler parce que c'est là que je fais mon beurre. » Et bon, on voit bien la grosse réaction. Alors en tout cas, Trump, j'ai envie de finir là-dessus, hein, cette émission, mais des nominations choc, hein, des nominations Panzer, j'ai envie de dire. On commence avec Session. Vas-y Fred, là, j'ai envie de t'entendre parler de Session. Là. Donc Donald Trump, en fait, est dans la composition, donc il va être officiellement président des États-Unis en janvier, le 20 janvier, si j'ai bonne mémoire. Dans l'entretemps, il est en train de composer son futur gouvernement. Il nomme donc, je crois, il y a autour de 4000 positions à pourvoir au sein de la future administration américaine. Dont des postes évidemment de ministres. Il a déjà donné des noms de ministres ou de conseillers extrêmement importants. On commence avec Session. Qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus, Fred ? Alors déjà, Session, c'est un ancien sénateur de l'Alabama, donc un État fortement marqué à gauche, n'est-ce pas, hein, très, hein. Et oui. Non, je plaisante, bien sûr. Et c'est quelqu'un un peu plus de nègre avec des blancs très conscients des problèmes. Voilà. C'est quelqu'un qui a commencé sa vie en vendant de l'équipement de ferme quand même. Hein. Donc on sent avec les nominations de Trump qu'on s'éloigne de la population PD-sidaïque urbain, ce qui est quand même plutôt sympathique. Et donc Trump, c'est un des sénateurs qui a été affilié au Parti républicain, qui depuis des années et des années et des années a été le plus virulent dans tout ce qui est la défense des propositions de loi anti-immigration. C'est quelqu'un qui est très, très agressivement anti-immigration, qui est pris au sérieux par une grande partie de l'establishment, parce qu'il est quand même installé depuis longtemps, il a des connexions, etc., etc. Et c'est quelqu'un en qui Trump a pleinement confiance. Il l'avait mis en avant pendant sa campagne, un de ses endorsements principaux. Et là, il va être promu au poste de Attorney General, c'est-à-dire le procureur en chef des États-Unis, c'est-à-dire au niveau fédéral, ça sera la plus grande figure du législatif. Et donc, il ne reste plus qu'à imaginer ce qui va se passer dès que des problèmes liés à l'immigration vont remonter dans le législatif jusqu'au niveau fédéral, je pense que ça va être la fête aux gauchias. Donc on peut effectivement se féliciter de cette nomination. Et juste, Jeff Sessions, là, il remplace, je crois, Loretta Lynch, c'est ça ? Il remplace une sale négresse, c'est oui. Ça ouais. Oui, n'est-ce pas ? L'équivalent, en fait, de Taubira, en fait. Qui faisait des petites messes basses avec le Clinton dans des avions, hein, avant la... Voilà. Enfin, avec le mari, alors... Sale négresse. Ouais. Qui succédait elle-même à Eric Holder, qui est un énorme nègre infect. Enfin, c'est ah terrible. Oui, je tenais à préciser, hein. Jeff Sessions, c'est quand même quelqu'un... qui, alors il y a une association de défense des homosexuels LGBT aux Nations Unies, un groupe, je ne sais plus exactement le nom du think tank, qui donne des scores de est-ce que vous êtes l'ami des PD, etc., l'ami des trans, tout ça, et Sessions, donc l'association des pédéguines, je ne sais quoi, des Nations Unies, lui a donné un score de 0. Voilà. Donc, je crois que c'est clair, hein. Ouais, alors pour ceux qui se. Pour ceux... Adolf Hitler aurait peut-être eu un, tu vois. Non, mais voilà, on a eu certaines personnes, là, j'ai vu hein, cette semaine, qui doutaient un petit peu des intentions de Donald Trump. Donc, Jeff Sessions, on a aussi le conseiller à la défense, là, qui est assez sympathique. On a aussi Trump qui a envie de faire un petit peu de ménage au niveau de la réserve fédérale, je crois, hein, notamment au niveau de l'espèce de sorcière Yellen. Alors pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément familiers de la structure du pouvoir politique aux États-Unis, le conseiller à la sécurité nationale, c'est celui qui est le conseiller le plus influent du président des États-Unis sur les matières de sécurité au sens très large. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, il y a un département de la défense, oui, il y a un ministère des Affaires étrangères, mais en matière de sécurité nationale, domestique et extérieure, le président des États-Unis bénéficie d'une très très grande marge de manœuvre. Et donc évidemment, celui qui propose les solutions au président des États-Unis est quelqu'un qui est dans une position d'influence tout à fait considérable. Et il se trouve que ce poste, notamment, enfin, progressivement au fil des ans, il a été occupé par Kissinger, pour ceux qui connaissent, dans les années 70, et qui a encore pris encore plus d'influence sous Obama, comme peut-être certains le savent, aujourd'hui est occupé par le général Flynn, ancien directeur du renseignement militaire américain. Le général Flynn, Michael Flynn, était un opposant déclaré au soutien des djihadistes en Syrie par les États-Unis, par les services secrets américains et occidentaux, ce qui d'ailleurs lui a valu d'être foutu dehors plus tôt que prévu en 2014, malgré ses états de service. Et il est sorti, alors, enfin, depuis qu'il est devenu full remove kebab. Alors, il ne veut plus en voir un seul, aucun bougnoule à l'horizon, c'est son programme. Il a déclaré, alors là je le cite dans le texte, l'islam est un cancer. Voilà, donc ça me suffit, moi j'achète. Et alors c'est lui le nouveau architecte de la défense et de la diplomatie, enfin dans l'articulation des deux, du président américain Donald Trump. Ça donne, je crois, une idée de ce qui se profile pour nos amis musulmans, hein, ça va pas être de la réconciliation, ça c'est clair, c'est moins qu'on puisse dire, ça va être du brutal. Voilà, le général Flynn. Et alors, sinon, il y a Bannon. Alors, Bannon, c'est un Attends, attends, type d'un. attends. Je veux quand Ouais. même qu'on souligne, pendant qu'on est encore sur Flynn, Ouais. que c'est quelqu'un qui vient d'une famille. Parce que c'est important de le voir quand même. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'avoir des gouvernements, des appointements dans le gouvernement des États-Unis, de la diversité, n'est-ce pas, entre guillemets, des juifs dans tous les sens. Alors Flynn, c'est quelqu'un qui vient d'une famille de catholiques irlandais et qui succède, pour rester dans les délires de Loretta Lynch, hein, qui succède à Suzanne Rice, qui elle aussi Ah est une sale négresse, il faut le Négresse! savoir. Donc là, on est en train de, avec Trump, avec les nominations de Trump, on est en train de passer du gouvernement dont les têtes sont des représentants de la diversité de merde à Bah, des non, en fait, blancs, on passe du gouvernement de Goy, je Yannick pense, pour la Noah. plupart. Il y a peut-être un ou deux juifs qui se cachent là-dedans, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air très contaminé. Et effectivement, ça nous donne raison d'espérer. Mais vas-y sur Bannon, si tu veux. Ouais, alors ouais, c'est vrai qu'on passe du gouvernement de Yannick Noah C'est à ça. un truc un peu sérieux, ouais, effectivement. Alors donc on passe de Flynn et de Session, donc là, comment dirais-je, attorney général, donc en fait la justice, et puis ensuite principal conseiller architecte de la défense intérieure et extérieure des États-Unis. Enfin, je pourrais parler de Flynn assez longtemps, mais c'est quelqu'un qui nous a expliqué, enfin il explique que l'islam est un ennemi. Il parle pas de. Il parle de l'islam, il parle pas de l'islamisme, il parle pas du djihadisme, il dit l'islam est l'ennemi. Bon, voilà, ça vous donnera le ton. Steve Bannon. Alors maintenant, Steve Bannon, c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressant aussi. Personnage assez complexe, avec un background intéressant. Et ça, c'est bien que tu l'as souligné. Tu as dit, ta tête t'a parlé de Flynn comme étant quelqu'un qui vient d'une famille irlandaise nombreuse, hein. 9 enfants, hein, la famille de Flynn, hein. Catholique irlandais, famille nombreuse, donc à mon avis, ça ne doit pas tellement pencher à gauche là-dedans non plus. Session, Bah, le mec, t'as dit, voilà, il vient en fait de la bah, voilà, c'est un mec qui vient du peuple, hein, il s'est fait lui-même. Et on arrive sur Steve Bannon. Bah, Steve Bannon, c'est la même chose. C'est le fils d'une famille d'ouvriers qui s'est fait un petit peu tout seul. Il est devenu officier dans la marine américaine. Il a ensuite fait l'école d'économie d'Harvard, je crois, si j'ai bien raison. Par la suite, avec ça, il est passé à Goldman Sachs. Alors, j'entends déjà les voix hurler, etc. Bon, ben, quand vous êtes un goy, que vous avez fait une école d'économie, vous allez dans le secteur bancaire, ben, vous allez chez Goldman Sachs, mais vous allez voir que sa politique économique, c'est pas exactement du Goldman Sachs. Mais il a d'ailleurs déclaré, hein, Bannon, il a des interviews qui sont très intéressantes à lire sur ce qu'il a retiré de son passage à Goldman Sachs. Et c'est quelqu'un qui a clairement. La conclusion qu'il en a tirée, c'est que, texto, les juifs, enfin l'élite juive, avait détruit les États-Unis. Le mec, le mec te dit ça, tu vois. Ouais, ouais, c'est à peu près ce qu'il a dit, ouais. Après, il est passé à Hollywood, donc j'ose imaginer qu'il a tiré à peu près les mêmes conclusions, parce qu'il a bien tiré les marrons du feu, il a bien compris comment ça marchait la mécanique. Et le type lance Breitbart, qui est un média, en fait. On va dire je sais pas comment dire, mais on va dire un média identitaire. Assez grand public, voilà. Et le bonhomme, en fait, maîtrise les nouveaux médias et il rentre là-dedans. Et c'est un mec, et si vous écoutez ses interviews, il a fait une interview, il en a fait évidemment un certain nombre, mais il y en a une qui m'a particulièrement frappé. Moi, c'est celle qu'il a accordée dans le cadre d'une visioconférence à destination du Vatican, où il y avait un certain public qui l'écoutait, mais qui a été retranscrite. Dans lequel il explique un petit peu ce qui l'anime. Alors en fait, c'est quelqu'un, il faut bien comprendre, c'est quelqu'un qui d'abord et avant tout est un libertarien. Les gens ne le savent peut-être pas, c'est quelqu'un qui est vraiment sur la logique, voilà, liberté individuelle. C'est complexe, hein. C'est complexe son parcours, je m'excuse d'interrompre, mais c'est quelqu'un qui vient à la base d'un milieu plutôt, je vais pas dire gauchiste, mais c'est-à-dire la gauche des syndicats, etc., etc. Et en fait, il avait bien identifié, enfin, lors de son, voilà, pendant sa vie, ses expériences, etc., il a bien compris que la gauche américaine, et en général, avait utilisé l'immigration pour vraiment détruire les syndicats dans leur forme un petit peu paléo, etc. Et c'est quelqu'un qui vient de la gauche, en tout cas dans un sens, et qui est vraiment passé complètement de l'autre côté. Et c'est ça qui rend d'autant plus intéressant sa position comme chef de stratégie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a vu, parce que c'est important quand même aussi d'avoir vu les deux côtés. C'est-à-dire, il sait d'où il sort, et il sait là où il est arrivé, il comprend bien les adversaires qu'il a en face, il connaît leur logiciel intellectuel. Et les gens de gauche ici en ont très très peur. C'est-à-dire autant Sessions, autant Flynn, évidemment ça leur fait griffer les murs, etc., etc. Autant Bannon, les mecs sont paniqués. Il y a des réactions, des articles, machin. Ils savent que ce mec a tout le logiciel qu'il faut. C'est-à-dire c'est un mec qui comprend, qui a compris tout le spectre politique américain et qu'il est là pour les défoncer, quoi. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Il en parle très bien, hein, il dit bien, voilà, le comment dire, la gauche a tout trahi, mais ça c'est facile de le dire, mais lui il dit en gros, bon, l'idée stratégique c'est de récupérer cette classe moyenne blanche en voie de déclassement. Il n'y a pas que la classe moyenne blanche d'ailleurs, hein, il intègre tout le monde, mais notamment la classe moyenne blanche, et de les sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent pour en faire le socle d'un nouveau système politique où le parti républicain, qui serait d'ailleurs transformé d'ailleurs durant dans ce processus, qui en fait on se débarrasserait des éléments conservateurs bébêtes, je veux dire, sur les histoires de mariage homosexuel, etc., bon, dont on peut penser ce qu'on veut, quoi, mais je veux dire, en étant dans le dur, en disant voilà, on transforme le truc et en fait on récupère les classes populaires et les classes moyennes, on se les arroge en leur donnant du boulot. Et le mec, c'est pas uniquement je veux dire comme ça, une déclaration de principe, c'est un mec qui a bien compris aussi la sociologie et la géographie. Et le mec explique que, voilà, c'est la campagne électorale va se passer dans des États en conformité avec son logiciel. Il dit, voilà, il y a des États qui vont être clés dans la bataille. Et il dit, voilà, il va y avoir le Wisconsin, le Michigan, il va y avoir la Pennsylvanie, il va y avoir l'Ohio. Et en fait, c'est exactement les États qui vont basculer pour Trump durant la campagne. alors que tout le monde les pensait acquis au Parti démocrate, précisément en raison de leur qualité ouvrière. Ce qu'avait bien reniflé ce gros lard communiste de Michael Moore. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, il avait bien compris, il a fait un discours là-dessus, que Trump allait remporter, même haut la main, ses États. C'est-à-dire qu'il avait bien vu que ça allait se jouer là-dessus, et que la stratégie de Bannon était la bonne, quoi. Évidemment. Et le mec a dit, qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir qu'il y aurait quelques millions d'autres d'allogènes qui vont voter pour Hillary dans des États dont on n'a rien à foutre, comme la Californie, qui sont perdus d'avance, alors que on a un électorat blanc paupérisé et qui est perdu, qui est désillusionné, qu'on peut atteindre si on sait comment leur parler, et c'est ce qu'a fait Trump sur les conseils de Bannon, et ça a payé à 100%. Et ce mec Bannon a compris, j'allais dire, la cartographie économique des États-Unis, a compris la cartographie sociologique. Parce que les gens ne sont pas forcément au courant, mais une élection présidentielle se gagne en gagnant les États. Et les États ont un certain nombre de grands électeurs. Du coup, la géographie joue un très grand rôle. Un très grand rôle. Ce n'est pas un suffrage universel, immédiat, direct, sans filtre. Les États comptent. Alors, je sais qu'il y a des communistes qui sont en train de criser là-dessus, mais soyons clairs, je veux dire, les États ont leur histoire, leur personnalité. Ils défendent leurs droits, c'est une fédération, les États-Unis sont une fédération, c'est pas un État unitaire, ça a été fondé comme ça, sinon il n'y aurait pas d'État uni, ça serait autre chose, ça serait, je sais pas, l'Amérique ou n'importe quoi. Ce sont des États qui sont unis, chaque État a sa personnalité, et chaque État négocie son appartenance à l'Union sur un certain nombre, de critères. Et le nombre d'électeurs dans le collège électoral, ça compte. Et on ne peut pas reprocher à Trump ou à n'importe quel candidat d'utiliser ça, et Bannon l'a fait valoir très intelligemment, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que ce type, et dans ses plus récentes, mais très très récentes déclarations, qui sont d'ailleurs assez confidentielles, mais qui datent de cette semaine, il explique en fait que son logiciel a payé comme prévu, je cite, mais que ce n'est que le préalable à ce qu'il prépare, c'est-à-dire la transformation radicale du Parti républicain en un parti véritablement populaire américain, et on va pas se payer de mots, un parti blanc, même si lui voit beaucoup plus large et ne résume pas le problème à la question uniquement raciale, il y a quand même l'idée que c'est quand même la classe moyenne blanche qui détermine le jeu. Et ce mec-là, son logiciel est vraiment complètement novateur en ce qui concerne la politique américaine, et lui-même le dit, il dit, et même je crois le journaliste qui l'interroge dans ses commentaires, il dit, ce type va changer, va bouleverser complètement le paysage politique américain. C'est-à-dire pour les gens qui doutaient effectivement des nominations de Trump et de « Ah, il va y avoir des juifs partout, gnagnagna », il faut quand même savoir qu'une des choses qui est ressortie de cette campagne, en tentative de détruire ou de calomnier Bannon, bon, c'est pas vraiment de la calomnie, mais en fait, des phrases qu'il avait prononcées, qui sont sorties, enfin c'est une vieille histoire de divorce avec une de ses ex-femmes, s'il a été marié plusieurs fois, et il avait notamment refusé d'envoyer ses petites filles dans une école privée au motif qu'il y avait trop de juifs et qu'ils apprenaient à leurs enfants d'être des sales pleurnichards, quoi, qu'ils ne voulaient pas envoyer ces filles là-dedans. Voilà, donc pour vous donner un petit peu, quelque chose qu'il n'a jamais démenti, quoi, hein, c'est, voilà. Donc pour vous donner un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Bah, il a compris le topo, c'est-à-dire qu'il ne peut pas l'assumer ouvertement, mais il sait très bien à quoi il a affaire quand il s'agit, tu vois, des juifs new-yorkais, quoi, qui sont tous un ramassis de socialistes irrécupérables. Donc évidemment... Donc ce type est en train de changer la carte politique des États-Unis. Il détruit le Parti démocrate en ce moment même où on parle. Les socialistes, comme tu l'as très bien dit, le Parti démocrate est bouleversé parce qu'ils sont en train de perdre les ouvriers blancs ne comptaient plus trop, que la classe moyenne, la classe populaire blanche ne comptait plus trop. Ils se rendent compte qu'ils sont allés un peu trop vite en besogne. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le souhaitent pas, mais ça veut dire que c'est pas allé aussi vite qu'ils l'avaient cru. Donc ils ne peuvent pas s'appuyer autant qu'ils le veulent sur les minorités. Minorités qui se mobilisent en somme assez peu quand c'est pas un candidat coloré qui se présente. Hein, en gros, hein, voilà, si c'est pas un basané, si c'est pas un cul un cul bruni au soleil qui se présente, c'est pas la peine, les mecs restent chez eux. Bref, grosse déception. Et maintenant, on arrive dans le dur du dur, parce qu'il faut savoir que Bannon est le chef de la stratégie du président. Alors, il faut bien se remettre ça en tête. Vous avez d'un côté le conseiller à la sécurité nationale qui est le général Flynn, qui pense que l'islam est un cancer et qu'il faut anéantir, enfin qu'il faut vaincre l'islam qui se lance à l'assaut de l'Occident. Et de l'autre côté, vous avez Bannon, qui est en charge de la stratégie, qui lui, en plus de tout ce qu'on a dit, est quelqu'un qui déclare que il y a une lutte existentielle contre l'islam. Ça, il faut le savoir aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui considère que l'Occident est victime d'un assaut par l'islam qui est existentiel, en plus de toute l'immigration, etc. Donc, vous avez là un tandem qui est hallucinant, et vous y ajoutez donc le ministre de la Justice, donc Sessions, qui lui veut carrément fermer toute la frontière, va construire un mur, va renvoyer des bougnoules, etc. Je veux dire, là, on est dans du très très sérieux, ouais, c'est du jamais vu. Enfin, moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça aux États-Unis. Je veux rajouter sur Bannon. Donc, il a donné une interview très récemment. Je crois que c'est au magazine Hollywood Reporter. Ouais. Donc, où on lui a demandé de détailler un petit peu ses ambitions dans nouveau cabinet présidentiel. Et il a déclaré que bon, il souhaitait un mouvement économiquement nationaliste. Je cite, aussi excitant que les années 30. Donc voilà, vous en. Ouais, mais alors là, par contre, je pense qu'il fait plus référence en fait à Roosevelt. Oh, peut-être, on verra. Mais il a aussi parce déclaré que dans la mémoire américaine, il se félicitait. C'est le New Deal en fait, c'est le New Deal. On verra, mais il a aussi déclaré qu'il se félicitait que la gauche le voit comme Darth Vador ou Satan même. Tu vois, donc, le mec, il est prêt, il est assis, quoi. Il en parle bien, c'est-à-dire qu'il explique aussi, et quand il parle de Dark Vador, etc., il dit c'est bien d'être dans l'ombre et dans l'ambiguïté, dans l'inconnu, et de laisser l'ennemi ne pas savoir où on veut en venir, etc. Mais je pense qu'il fait pas référence au fascisme, etc., je n'y crois pas du tout. Parce que quand tu lis ses propos sur ses propositions, en gros, il dit, il veut faire de l'investissement, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire venir du cash, il faut investir dans les infrastructures, etc. Ce qui est tout le discours de Trump. Trump a dit, voilà, il faut reconstruire nos aéroports, nos routes, nos trucs, ce qui est très juste d'ailleurs. Mais tu vois, il y a cette idée du New Deal. Parce que Roosevelt, il a fait ça. Il a dit, voilà, je vais balancer du cash dans la machine, on va construire des trucs, on va donner du boulot aux gens, on va donner aux gens une activité, c'est ça qu'on va faire. Et, et c'est ça où il va en venir, à mon avis. C'est-à-dire que le mec se dit, comment je vais niquer la gauche? Ben, je vais utiliser leur imaginaire à eux, c'est-à-dire l'imaginaire du New Deal, de Roosevelt, etc. Et puis je vais le faire en plus, concrètement. C'est-à-dire que je vais donner du boulot aux gens. Ce qui est assez gonflé dans la tentative. Parce qu'après, évidemment, quand tu fais ça, clairement... Là, tu vas te rallier toute la working class blanche et autre, d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'il fait, mais après, c'est un pari énorme parce que... il a raison, mais en même temps, il a tort, parce que, je veux dire, au plan économique, si tu fais juste de l'investissement à perte, comme les autres l'ont voulu, bon. Mais je pense qu'il va avoir un succès au sens où ils vont attaquer massivement les banques. C'est-à-dire contrairement à tout ce qui a été fait avant, où il y a eu des faux plans de relance, etc., qui servent uniquement à renflouer les banques, je pense qu'eux vont être malins, et ils vont se dire, non, le cash, on va le prendre, mais on va pas laisser les banques le prendre. Et ils vont attaquer massivement les banques, ils vont renflouer à fond l'économie réelle. Tu auras un effet de création de jobs, comme Roosevelt, quoi, hein, directement, hein, à partir de 32, comme Hitler l'a fait. De la même façon, c'est-à-dire que ça a été du cash immédiat dans la poche des gens, dans des grands chantiers. Et t'as vu la référence que tu donnes, voilà, on n'aura rien vu de tel depuis les années 30, et c'est effectivement un petit peu le ton. Ça parle, tu vois, sauf qu'au bout d'un moment, t'arrives à court de cash. Mais bon, là, c'est une autre discussion, mais... En fait, tu vois, moi, je pense qu'il fait référence à Roosevelt, et je pense que c'est aussi le cœur de cible qui vise, c'est-à-dire, je veux conquérir les démocrates. Voilà, je veux les démocrates, je veux que les ouvriers démocrates, les catégories populaires démocrates se rallient à nous. Je veux un nouveau parti républicain. C'est couillu, audacieux, intelligent. Mais d'une certaine façon, tu peux aussi te dire, ça peut être du Hitler. C'est-à-dire que ça peut être de la relance massive pour autre chose, tu vois. On verra bien. Mais en tout cas, ce qui est vraiment frappant aux États-Unis, quoi, c'est que l'élection de Trump, c'est pas du tout du chiquet. C'est pas du cinéma. C'est pas, on fait pas semblant, etc. Non, il y a des vraies nominations, il y a un vrai plan, il y a une cohérence. Si on regarde tous les, comment dire, les champs de l'activité humaine aux États-Unis sous ce futur gouvernement, on voit bien qu'il y a une cohérence dans les démarches qui sont prises. Il y a une volonté d'agir. Et là, tu dis, ouais, bon, on a affaire à des gens qui sont brillants, des gens qui sont intelligents et des gens qui voient et qui ont une perspective. Et puis, il suffit de voir aussi la gueule de Bannon, quoi. C'est-à-dire, ça se voit physiquement. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu populaire, qui n'est pas là pour raconter des salades de métrosexuels urbains, tu vois. Et ça, c'est sûr que c'est encourageant. Ouais, c'est, non, mais ça. Enfin, tu vois des types, tu vois, ils ont encore envie d'être. Ils comprennent l'histoire, ils ont envie de. Ils ont pas envie de crever, quoi. Ils ont envie que leur pays existe. Et ils sont à la tête des États-Unis, et ils veulent que les États-Unis soient encore quelque chose, quoi. Et évidemment, ça tranche totalement avec ce qu'on connaît, nous, en Europe, où il y a rien, quoi. Où on a un petit peu Poutine aussi, je trouve. Poutine, bon, évidemment, il n'a pas les mêmes moyens, quoi, mais Poutine essaye de se donner des objectifs, quoi. Essaye d'y coller, quoi. Et on a d'un côté, effectivement, Poutine, le Kremlin, qui tente de restaurer un petit truc. On a de l'autre côté les États-Unis aussi, où on a une équipe, là, qui, visiblement, veut vraiment trancher dans le vif, est cohérente et tente un pari de fou. Et puis, au milieu, on a l'Europe, où là, on s'encule avec des bonnes femmes... secrétaire bombardé, ministre de la Défense, machin truc, ça blablate, etc. On est envahi de bougnoules de nègres. On a quand même Alain Juppé qui se reprend. Voilà, quoi. Voilà, c'est Alain Juppé. C'est complètement fou, là. Vite fait sur les primaires, de la droite de merde, qui est en fait juste le milieu de la gauche radicale française, quoi, qui est en train de nous expliquer que, grosso modo, on a le choix entre le président, l'ancien président français Sarkozy, son premier ministre François Fillon et son ministre des Affaires étrangères Alain Juppé. Ça, c'est le changement. Ouais, bon, allez vous faire enculer. Face à ça, Toto, là, avec ses pustules, ou bien Valls, etc. Et puis en face, Marine Le Pen. Voilà, quoi. Bon, effectivement, c'est... Je veux dire, bon, on a la Ligue 1. Bon, non, on a la Champions League avec, d'un côté, les États-Unis, quoi. L'équivalent du Bayern de Munich. Puis on a la CFA2, quoi. Donc, voilà, là, c'est avec le Front National, les Républicains, quoi. Voilà, Florian Philippot, je suis même pas sûr que ça fait de la CFA2. Hein. Bon, bah, c'est le club de la commune, quoi. Voilà, le mec essaye et tout, il met un petit bleuet sur sa petite chemise et tout, voilà. Il dit, ouais, mais quand même, un bleuet, voilà, les roses bleues, tout. Voilà, bon, c'est... Ouais, Trump, c'était le lion, hein, pour comparaison, quoi. Ouais, puis en Russie, c'est l'aigle bicéphale, ouais, c'est vrai que c'est... bon, voilà. Bon, et on est ailleurs, quoi, c'est... Bref. Quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on conclue cette émission ? Ouais, j'aimerais juste revenir sur quelque chose. Alors là, je vais parler aux auditeurs, en fait, et il faut bien comprendre que la campagne de Trump, elle a été... réussi, bien sûr, parce qu'il avait des gens très compétents à ses côtés, comme Steve Bannon, tous les deux venaient d'en parler suffisamment longtemps, mais aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y avait une armée de trolls non rémunérés, des gens qui étaient juste animés par la cause, qui ont passé du temps sur Internet, donc à répandre des informations, ou à se foutre de la gueule d'Hillary Clinton, et ça a vraiment fait pencher la balance. Nous, en France, malheureusement, on n'a pas ça. Le FN, c'est de la chiasse. Je suis désolé si parmi vous, il y en a qui sont vraiment pro-FN à fond. Au niveau de la communication, c'est de la merde. On le voit bien encore avec cette rose bleue qui ressemble à une ventouse pour déboucher les chiottes, avec la ligne Philippette et compagnie. Et en plus, au niveau des intellectuels ou des trolls qu'on a, c'est pas grand-chose. Donc le truc, c'est que moi, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous écoutez l'émission Démocratie Participative, vous cliquez bande de salopes, bon, sans... Hein, je vais arrêter des conneries, mais ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous vous imprégniez de ce qu'on dit ici, et qu'après, vous soyez capable de façon, alors soit très brutale, hein, brut de décoffrage, soit de façon beaucoup plus nuancée, un peu genre je souffle le chaud et le froid, que vous soyez capable, soit sur vos Facebook perso, soit IRL, de troller ou de faire avancer les idées. Je vais vous donner vite fait, moi, une anecdote. Le jour de l'élection présidentielle américaine, je me suis arrêté chez des voisins avec un pack de bière. On a bu une bière chacun. Je leur ai offert la bière avec plaisir. Et en discutant avec un des amis de mon voisin, des gars de 20 ans qui sont en école de commerce, donc normalement pas trop des gauchos, il y en a quand même qui m'ont dit « Ouais, mais t'es... Enfin, Trump, c'est quand même un raciste, un misogyne, quoi, tu vois, un sexiste. » Ouais, là, je leur ai dit, donc en gros, vous dites qu'il vaut mieux voter pour une meuf qui est liée, comme les doigts de la main, à des réseaux de pédophilie sataniste que pour un raciste. Et en fait, si vous arrivez à souffler le chaud et le froid, et vous arriverez à le faire, en fait, notamment en écoutant les informations que vous allez avoir ici, vous allez participer, en fait... à la reconquête des esprits qui sera nécessaire si un jour on veut véritablement qu'il y ait une élection gagnée par un processus démocratique. Vous ne serez pas des gens connus, vous ne serez pas remerciés par qui que ce soit, mais vous aurez le sentiment d'avoir fait quelque chose, et je vous promets que vous aurez fait quelque chose. Chaque personne que vous ferez douter, ou chaque personne que vous gagnerez à la cause, ça sera toujours ça de prix. Ouais, le doute, c'est le plus important. C'est-à-dire, c'est même pas si important de gagner, entre guillemets, un argument, même si ça peut être sympathique, à une dispute ou quoi. C'est vraiment de lancer le doute, de semer le doute dans l'esprit des gauchias, des mous, des tièdes, etc. Parce que c'est tout ce qu'il faut, en fait. C'est-à-dire, les gens ne changent pas d'avis du jour au lendemain. Souvent, quand on les clash frontalement avec des informations qu'ils ne sont pas en mesure d'accepter, ils sont capables de les accepter, mais ultérieurement. C'est-à-dire, c'est des changements qui vont avoir lieu dans un mois. Ils vont se reposer des questions dans 6 mois, dans un an. Donc, il faut pas être trop pessimiste sur sa capacité. On peut pas attendre des gens qui se retournent du jour au lendemain. C'est un travail sur la longue durée. Et vraiment, ce qui manque en France, s'il manque quelque chose, c'est une figure de droite qui vraiment embrasse qui ne punch pas to the right, quoi, qui ne tape pas sur les gens à droite et plus à droite que lui, et qui soit capable de mobiliser, comme l'a fait Trump, d'utiliser les trolls, les fouteurs de merde, les gens qui vont faire douter, pour semer le chaos dans les rangs de leurs adversaires. C'est vraiment ça qui nous manque, parce qu'effectivement, avec des gens comme Marine Le Pen, tout ça est très, très polissé, très aseptisé, très propre au final. Et à mon avis, je sais qu'il y a des nationalistes très, très américains... Très PD, hein, donc... Oui. Non, mais je sais qu'il y a des nationalistes américains qui s'excitent sur l'élection à venir en France et qui ne connaissent juste pas le microcosme français, qui ne comprennent pas ce que c'est réellement Marine Le Pen, qui pensent qu'elle peut être élue, voilà, parce que c'est une candidate nationaliste, populiste ou je ne sais quoi. Mais en réalité, c'est pas du tout la même atmosphère, c'est pas du tout la même ambiance. Marine Le Pen est parfaitement, avec sa ligne, incapable de motiver les forces populaires, hein, qui ont fait élire Trump et qui l'ont porté juste au-dessus de ce qu'il fallait pour gagner la présidence, parce que ça ne s'est pas joué à autant que ça, finalement, mais qui l'ont porté juste au-dessus du niveau qu'il fallait. Et Marine Le Pen est incapable de mobiliser ça avec la façon dont elle fait de la politique, et c'est pas... Philippot et compagnie, qui vont la faire changer d'avis. Donc effectivement, il nous manque une figure comme ça qui soit capable d'assumer, même en balayant un peu les critiques d'un revers de main, c'est-à-dire comme Trump l'a fait quand on lui amenait dans les médias, quand on le confrontait avec le soutien qu'il avait des supporters d'extrême droite, des nationalistes blancs. Il disait « Ah oui, mais c'est des gens qui ont beaucoup d'énergie, voilà. » Enfin, il en rigolait un petit peu, quoi. Hein, il faudrait quelqu'un comme ça en France. Je pense que malheureusement, on ne l'a pas encore trouvé. Mais voilà, peut-être un jour, on ne sait jamais. Avant qu'on soit complètement recouvert de nègres, on ne sait jamais. Voilà, hein, on peut espérer. Bon, les gars, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.